Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Outsider. Donc cette fois-ci un podcast consacré au game design en jeu de rôle, avec un thème qui me passionne vraiment de bout en bout, hein, quelque chose qui est vraiment important pour moi quand j'écris des jeux, puis aussi des scénarios, c'est la simplicité. Donc avec nos invités, hein, on va voir qu'est-ce que c'est la simplicité quand on écrit des jeux de rôle et des scénarios. Est-ce qu'il y a plusieurs visages pour un même concept? Quels sont les vices et les vertus de la simplicité? Donc on va le voir à travers trois parties. Première partie, comme d'habitude, on vous présentera des exemples de jeux. Deuxième partie, on vous présentera des concepts de simplicité. Toujours en game design de jeu de rôle. Et la troisième partie, ce sera notre liste au Père Noël, c'est-à-dire un petit peu tout ce que nous, on aimerait voir dans les futurs jeux et les futurs scénarios en matière de simplicité. Donc voilà, je vais laisser les invités se présenter. Philippe, si tu veux bien. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe, mais je traîne sur Internet sous le pseudonyme de Sildenfein. Je ne suis pas créateur de jeux au-delà de ce qu'un meneur de jeu est d'habitude. J'ai déjà bidouillé des petits jeux pour mes amis, pour mes tables, mais je n'ai rien de publié, je ne compte rien publier dans l'immédiat. Par contre, je suis architecte et dans ma pratique professionnelle, qui est une pratique créative également, avec beaucoup de contraintes techniques, budgétaires, etc. La question de la simplicité est vraiment quelque chose qui me travaille presque au quotidien et que je retrouve fort dans la conception de jeu, que ce soit à l'échelle d'un scénario, d'un système de règles ou d'un jeu en entier. Et je pense que les contraintes des pratiques créatives peuvent se retrouver vraiment l'une dans l'autre et que progresser d'un côté peut permettre de progresser de l'autre. C'est pour ça que je m'intéresse à la simplicité également dans le jeu de rôle. Ok, merci Philippe. Et donc nous avons un deuxième invité. Oui, bonjour, donc Vivien Féasson ou sur les forums plus communément appelés Mangelune. Alors de mon côté, donc j'ai écrit un jeu qui s'appelle Les Errants d'Oukiyo, qui est sorti aux éditions Icar il y a allez, 2 ans à peu près. Et le thème m'intéresse pas mal parce que à la fois en tant que meneur de jeu et en tant que créateur en fait, dans la mesure où j'ai pas mal remarqué une certaine dichotomie en fait entre les prétentions de pas mal de jeux et finalement les réalités autour d'une table liées souvent à des questions de complexité. Voilà. Et évidemment, du coup, en tant que concepteur, bah, mes problèmes de MJ nourrissent, on va dire. Ce que je mets dans les créations, quoi. Bien, bah je vous remercie hein, tous les deux d'être avec nous. Je suis très très content de vous avoir. Il y a du lourd à traiter hein, sur le sujet. Vous allez voir, c'est très copieux, je pense, très intéressant. On va essayer de pas en oublier, mais je pense que c'est quasiment impossible. Donc, on va d'abord commencer par les exemples de jeux. Et donc, tout d'abord, Philippe, il me semble que tu voulais nous parler d'Apocalypse World. Oui, j'ai bien vu la réaction quand j'ai proposé ce thème-là. Apocalypse World, c'est pas un jeu simple, mais je vais prétendre que si. Je Alors, pense il y a du challenge parce que c'est un jeu qui m'est tombé des mains, hein, j'ai pas réussi à le finir. Ah oui, alors ça c'est. Moi, je vais commencer par une des critiques. Alors, c'est que la forme du jeu est tout à fait inhabituelle. La manière de rédiger le jeu est tout à fait inhabituelle. Elle est très surprenante pour un rôliste. C'est pas ça qu'on s'attend. Je pense que ça crée une dissonance par rapport à nos attentes et que ça joue contre le jeu. Par contre, il y a des tas de choses dedans qui sont très simples. Et je pense que c'est un jeu qui est malgré tout très accessible si on passe au-dessus de la manière dont il est rédigé. Alors, d'abord une petite parenthèse générale. Qu'est-ce que c'est que la simplicité et comment est-ce que je l'aborde ici? La simplicité, c'est une manière d'épurer les choses, de les réduire au plus simple. Bon, c'est une définition qui se mord un peu la queue, mais je ne sais pas faire mieux pour le moment. Le tout étant de simplifier sans trahir les intentions du jeu. Et je pense que qu'Apocalypse Heart y arrive très bien. Donc la bonne simplicité, c'est la simplicité qui simplifie sans perdre en richesse. La mauvaise simplicité, c'est quand on simplifie en appauvrissant. Et je pense que Apocalypse Heart est arrivé à un point où on ne peut plus rien enlever du jeu sans perdre dans la richesse du jeu. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il est simple. Alors, c'est un jeu qui est très accessible, je trouve, une fois qu'on est passé cette première barrière que tu as mentionnée. Comment est-ce qu'on commence une partie d'Apocalypse World ? Il y a 11 livrets de personnages. Je ne vais pas les décrire parce que ça prendrait trop de temps, et puis parce qu'il y a des petites subtilités, ce ne sont pas des clichés qu'on peut vraiment transmettre comme ça. On a un mot style le guerrier, le mage, etc. C'est plus subtil que cela. Il y a 11 livrets de personnages. Le maître de jeu les étale sur la table. Les joueurs s'en emparent, s'en saisissent et choisissent un personnage en discutant entre eux. Qu'est-ce que c'est qu'un livret de personnages ? C'est une simple feuille à 4, recto verso, qui est pliée en 3. Et qu'est-ce qu'on va trouver dessus ? On va trouver la description du concept du personnage. On va trouver dessus les règles de création pour le personnage. On va trouver dessus les règles pour jouer le personnage. Et même les règles d'expérience. Donc tout tient sur un A4 recto verso plié en 3. Il y a même encore une petite place pour quelques règles additionnelles qui servent à tout le monde. Et alors, il y a encore une feuille qui résume toutes les actions de base du jeu, une seule A4 de nouveau pliée en 3, et donc avec cette feuille A4 commune et leur livret de personnages, les joueurs ont tout en main pour jouer. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire comme manière de procéder. Alors, pour le maître de jeu, c'est assez sensiblement la même chose. Évidemment, le maître de jeu a plus de travail que les joueurs, comme souvent, plus de choses à connaître. Le livre est assez redondant, les choses y sont expliquées plusieurs fois, ce qui fait que si on a une bonne mémoire, c'est un peu ennuyé à la lecture, on a tendance à vouloir passer un peu plus loin, un peu plus vite, et on risque de manquer des choses. Donc ça, c'est dans les défauts du livre du jeu. Par contre, comme c'est répété, on trouve les choses là où on en a besoin. Quand on fait la première partie, avec la création de personnages, on a un chapitre première partie, on le suit pas à pas. C'est vraiment comme un jeu de plateau où on peut presque jouer sans lire les règles. Apocalypse World, on peut se contenter de lire les règles une fois et puis de prendre le bouquin et de commencer à jouer en suivant pas à pas. Après la première partie, on a un chapitre qui explique ce qu'on fait à l'interpartie, comment on prépare la partie suivante et tout se déroule ainsi. Et c'est très simple à suivre une fois qu'on accepte ce principe. Donc ça, c'est pour l'accessibilité du jeu. Moi, je trouve que c'est tout juste génial. Et je me souviens effectivement qu'ils reprennent énormément de fois les livrets, notamment. Je me souviens plus, j'avais l'impression qu'à chaque fois, il y avait des petites variantes. Voilà. Ça, c'est ça qui me gênait le plus, en fait. Tout à fait. C'est un des défauts de la forme. C'est que on explique une fois la règle telle qu'elle est expliquée aux joueurs brut de décoffrage, je vais dire, puis on va l'expliquer dans un contexte spécifique avec certains détails spécifiques à ce contexte, puis on va la réexpliquer dans un autre contexte avec d'autres détails spécifiques à ce contexte. Quand on lit, une fois qu'on est passé au-dessus de l'aspect redondant, ça fonctionne très bien. À l'usage, si on commence à vouloir chercher ce petit point de détail-là, on ne sait plus dans laquelle des trois fois où la règle est expliquée, le petit détail précis se trouve. Par contre, il y a plusieurs index à la fin du livre qui sont très bien faits, il faut vraiment les utiliser. Donc j'ai mené une campagne d'Apocalypse World. Il faut passer un peu au-dessus de sa peur et se lancer et faire confiance au livre. Et je trouve que ça fonctionne très bien. L'index est très bien fait. On retrouve très vite en cours de jeu ce dont on a besoin. Et on peut assez rapidement se passer du bouquin parce que les règles restent malgré tout très simples. Est-ce que je réponds à ta question ? Oui, c'est un peu l'impression. En fait, j'ai l'impression presque comme c'est une espèce de précurseur à bien des points. Il n'était pas allé assez loin finalement dans son truc et qu'il avait voulu à tout prix réexpliquer, qu'il aurait peut-être pu. Enfin, s'il était à refaire, peut-être qu'aujourd'hui il serait fait de façon un peu plus synthétique encore. Non, en fait, je pense que ce qu'il y a, c'est que le livre de règles, il sert à deux ou trois choses en même temps. Il sert à comprendre le jeu une première fois, puis il sert à de marche à suivre pour jouer, Et puis, il sert, quand on est bien lancé, de livre de référence. Et c'est très difficile de faire un ouvrage qui répond à ces trois usages-là de manière simultanée, vu que l'aspect Ouais. pédagogique demande d'expliquer, de réexpliquer, de commencer avec une partie des choses et puis d'ajouter sur le tas, tandis que le livre de référence, il demanderait que chaque chose soit à un et un seul endroit. Et donc on a des objectifs un peu contradictoires et chacun essaie de les concilier au mieux dans son jeu avec des résultats plus ou moins heureux. Je trouve que ça fonctionne pas mal, franchement, à l'usage. Même si c'est très désarçonnant au départ et qu'il faut faire confiance au livre. Et tu penses qu'en termes éditorial, si ça avait été possible, parce qu'on sait que bon, en termes de prix, forcément, il aurait peut-être été intéressant du coup de faire une espèce genre en trois livrets, premier Oui. livret de base, première Ça, accessibilité. je pense que c'est quasiment pour tous les jeux dès qu'ils ont une certaine masse. Et que ce serait fantastique d'avoir un livre d'apprentissage, un livre de référence et une marche pas à pas qui va avec le scénar d'initiation, quelque chose comme ça. Pour ma liste au Père Noël, ça. Ouais, bah voilà, on garde ça pour tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais illustrer d'autres aspects qui font que le jeu est simple. Les rôles de chacun et qui fait quoi à chaque moment sont vraiment bien définis. En fait, les joueurs ont l'initiative. C'est une des constantes du jeu et le système est fait pour pousser les joueurs à avoir l'initiative. Quand est-ce que le maître de jeu parle? Ben, il parle pour répondre aux questions des joueurs ou il pose des questions aux joueurs pour pousser les joueurs à avancer. Alors comme dans beaucoup de jeux, il y a des jets qui se font à certains moments pour voir comment une action un peu risquée va pencher, est-ce qu'elle va réussir, est-ce qu'elle va rater. Là aussi, le maître de jeu ne parle qu'à certains moments, à savoir essentiellement quand le jet est raté, il a certaines options, quand le jet est réussi, il a d'autres options, mais tout ça est expliqué très clairement. En fait, il y a une page qui présente la manière de mener Apocalypse World en résumé. Elle est aussi disponible sur le site de la boîte à eux qui a édité le jeu en français. Je vous conseille vraiment, ceux qui sont curieux du jeu, d'aller télécharger cette aide de jeu, parce qu'on a vraiment tout le cœur du jeu qui est là. Et on peut vraiment se faire une idée avant d'aller plus loin. Bon, le jeu est malheureusement épuisé pour le moment, mais je pense que la boîte à eux compte le réimprimer. J'ai interpellé Ludovic Papaïs là-dessus, mais je n'ai pas encore eu de réponse, malheureusement. Mais je sais qu'il a dit sur le net qui comptait le réimprimer, que ça faisait trop longtemps qu'il n'avait plus de jeux disponibles. C'est vrai que j'ai un peu écumé les boutiques pour voir si je pouvais en trouver, mais il n'y a plus de jeux. Il est toujours disponible en anglais par contre. Donc je reviens au rôle de chacun, là où j'en étais. Donc en fait, sur une page, le maître de jeu a tout ce qu'il peut faire. Il a des objectifs. Il y a trois objectifs en tant que maître de jeu. C'est rendre la fin du monde vraisemblable, rendre la vie des personnages intéressante, joue pour voir ce qui va se passer. Et puis, c'est décliné de différentes manières, jusqu'à arriver finalement aux actions que le maître de jeu peut faire. Alors, les actions que le maître de jeu peut faire, ce sont des concepts narratifs que le maître de jeu est chargé d'implémenter dans le monde, qui sont capturer quelqu'un, les priver de leur matériel, etc. Donc, une liste d'actions. Quand c'est au tour du maître de jeu à parler, quand un joueur a raté un jet, ou simplement quand les joueurs laissent un gros blanc en se demander ben quoi maintenant, le maître de jeu prend la parole, il prend une de ses actions et il la fait dans le monde. Alors c'est très simple, ça demande un peu de discipline, mais c'est très simple, il n'y a pas beaucoup à hésiter, on prend une action, celle qui est vraisemblable d'après ce qui se passe dans le monde imaginé à ce moment-là, on la choisit, on l'implémente. Ça veut dire aussi que ça guide très fort ce qui se passe dans le monde, et ça le maintient dans l'esthétique du jeu, dans l'idée du jeu, de l'apocalypse. Ça donne vraiment une impression de jeu de rôle, de série TV, HBO, très rythmée. Même chose, les jets des personnages donnent des options qui sont bien définies dans le jeu. Alors je vais passer au jet des personnages. Je peux juste revenir sur les actions du MJ. Oui, bien sûr. Juste, en fait, je trouvais que ça faisait partie justement dans ce jeu de ce qu'il y avait de plus déstabilisant quand on lit. C'est-à-dire que d'habitude, on a l'habitude en tant que joueur de jeu de rôle de voir à une action correspond un système mécanique, on va dire précis. Et c'est très difficile la première fois qu'on voit ces histoires d'actions du MJ de voir qu'en fait elles sont liées à aucune mécanique quasiment. C'est juste en fait de la dé enfin. des encouragements de description, je sais pas comment décrire dire ça, mais Ouais, régurgite des descriptions de fin du monde, par exemple. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais il y a des choses comme régurgiter des descriptions de fin du monde qui sont quelque chose à garder en tête. Ce Quenlock a appelé dans un podcast hors série de Radio Holiste les intentions narratives, je crois. Et puis il y a des choses très concrètes du style annonce une emmerde à venir, ou ben voilà, qu'est-ce que je vais faire comme action? J'ai annoncé une emmerde à venir. Ah ben tu vois, hors du camp, un énorme funage de fumée huileuse qui s'élève, le bas est rougeoyant, tu sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu fais? Voilà, là j'ai annoncé une emmerde à venir. S'ils vont pas voir, ben, il va se passer quelque chose de grave, quoi. Et c'est vrai que c'est lié indirectement à une mécanique, parce qu'après l'emmerde à venir, évidemment, on se doute bien qu'il va y avoir des jets à Voilà. faire, etc. Mais ce qui est intéressant, je trouvais, dans le cadre de notre podcast sur la simplicité, c'est que vraiment, quelque part, des éléments de description sont considérés comme faisant partie du système, là où généralement, en jeu de rôle, on a tendance à séparer Tout à univers fait, et tout à système de fait. jeu, quoi. Je pense qu'Apocalypse World Bah, est un jeu très les intéressant à conseils, les étudier. conseils de maîtrise sont partie du système, quoi. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Il n'y a pas de conseil de maîtrise, il n'y a que des règles. Et c'est vrai que c'est désarçonnant, c'est ça un peu l'obstacle, un des obstacles Mais en même d'Apocalypse temps, World. c'est là où c'est simple, c'est que univers, enfin règles, enfin le jeu, les mécaniques, l'univers de jeu et puis les conseils de maîtrise, eh ben finalement c'est regroupé en un seul type de choses qui sont les actions de l'MJ, quoi. C'est fusionné, Exactement. quoi. Ouais, on sort un petit peu la dichotomie d'habitude qu'on a d'habitude entre les mécaniques de jeu d'un côté, l'univers de l'autre, les conseils de jeu de l'autre. Là, tout est fusionné, quoi. Tout est fusionné, et je vais rebondir sur ce que tu dis, l'univers, dans le jeu, il n'y a pas d'univers. L'univers, c'est on est 50 ans après l'apocalypse et les livrets de personnages. Par contre, sur les livrets de personnages, il y a les actions des personnages qui déterminent un peu dans quel sens l'univers va aller. Je vais prendre une action de personnage que j'aime bien, qui est une action de basique, le temps de la retrouver. C'est prendre par la force. Alors, toutes les actions sont expliquées d'une manière très claire. C'est quand ceci, cela lance les dés, et puis il se passe ceci, cela selon le résultat. Il n'y a pas d'interprétation à faire en cours de jeu. Quand on remplit la condition, on jette les dés. Point barre. C'est tout. C'est très simple en cours de jeu. Parfois, on hésite un peu sur quelle action correspond au mieux. Mais je vais prendre l'exemple de prendre par la force. Donc, c'est une action que tous les personnages peuvent faire. Quand tu tentes de prendre quelque chose par la force ou de protéger ce qui t'appartient, lance dés plus dur. Donc, dur, c'est une des cinq caractéristiques du jeu. Sur un succès, choisis tes options. Alors, un succès, c'est quand on fait 7 ou plus sur ces jets. Alors, sur un jet de 10 plus, donc ça, partout dans le jeu, faire 10 ou plus sur son jet de dés plus la caractéristique, c'est un excellent succès. Et donc, sur un 10 plus, choisis 3 options de la liste plus bas. Sur 7, 9, donc de 7 à 9, partout dans le jeu, c'est un succès mitigé. Tu en choisis 2 options de la liste. Alors, la liste en dessous, c'est. Je rappelle que c'est prendre quelque chose par la force. Donc la liste au-dessous, on choisit 3 ou 2 options. C'est tu l'obtiens pour de bon, tu encaisses peu de dégâts, tu infliges plein de dégâts, tu impressionnes, effraies ou désarçonnes ton ennemi. C'est tout ce qui peut se passer dans le jeu si le joueur réussit son jet. Il va pas avoir le roi Arthur qui va venir s'imposer avec ses chevaliers. Non, ça fait pas partie du jeu. C'est quelque chose qu'on pourrait faire dans un autre jeu de rôle. Ici, tout ce qui peut se passer est déterminé dans l'action. Alors, dans un sens, c'est contraignant, mais ça oblige à rester dans le ton du jeu, et ça crée l'univers, ça crée l'ambiance de l'univers. Tout l'univers est contenu dans les livrets de personnages, les actions des joueurs, les actions des personnages, et l'ambiance qui suinte du texte de jeu. Je pense que c'est une des choses qui rend le texte de jeu un peu particulier, c'est qu'il veut faire passer l'ambiance de la fin du monde dans la manière dont les règles sont écrites, et qui te dit, ben, quand tu joues Apocalypse World, toi, maître de jeu, tu parles comme les règles, tu parles comme ça, parce que c'est ça l'ambiance du jeu. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Ouais, par exemple, le fait que le livre tutoie le lecteur, en fait, ça donne aussi l'impression, genre, bah, c'est la fin du monde, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de politesse qui compte. Voilà. Voilà, tout le monde se tutoie, tout le monde se. Il y a une proximité aussi, Et on voit, c'est quand même un jeu. Souvent, la communauté est importante, puis c'est souvent des communautés où les gens sont un peu les uns sur les autres, quoi. C'est très, il y a beaucoup de promiscuité dans Apocalypse World, je trouve. Tout à fait. Après, on peut se dire que c'est un choix de traduction, vu qu'en anglais c'était you de toute façon. Ouais. Oui, je pense que la traduction a dû être très difficile à faire, Je pense franchement. que c'est. Là, franchement, c'est Grégory Bogorzelski qui a fait la traduction. Franchement, Je pense chapeau, qu'il a quoi. dû sentir que le tu s'imposait Oui, dans. tout à fait. Ben, c'est un style familier, Oui. un peu. Ça rappelle un peu, c'était Deadlands aussi qui utilisait ce tu un peu de justement côté comment dire comme disait Thomas quoi, il n'y a plus de respect, enfin on est dans une ère où seule la force compte et. Tout à fait. Et moi, je peux dire, quand je relis les règles d'Apocalypse World, et quand je maîtrise, après, j'ai envie de parler comme les règles, quoi. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Et ça donne une ambiance au jeu. Et donc, l'univers Et de du coup, il jeu. fait l'économie aussi quelque part. Il fait l'économie en rédigeant de cette façon. Il fait l'économie d'expliquer au MJ qui devrait de comment il devrait parler aux joueurs quoi. C'est Oui. juste comme c'est écrit comme ça finalement. Tu vas Non tu seulement il fait sans y l'économie réfléchir d'expliquer, quoi. non seulement il fait l'économie d'expliquer, mais il fait l'économie au maître de jeu et aux joueurs de l'apprendre. Et ça, il n'y a pas de monde à apprendre, il n'y a pas d'ambiance à apprendre. Tout surgit des règles. Ça, c'est assez étonnant, à voir. Ça fonctionne très bien. Enfin, on peut entendre que je suis fan, hein. Je suis peut-être pas tout à fait objectif. Non, mais t'as raison, c'est quand même, enfin, je pense que c'est un jeu qui a quand même bien marqué, Mais enfin, c'est pas. il y a un héritage déjà, alors qu'il n'est pas sorti il y a si longtemps, on voit qu'il a marqué justement les concepts de création, dans ce qui est sorti Oui. ensuite, quoi. Mais je pense que c'est aussi un témoignage de sa simplicité. C'est toutes les transformations de ce jeu qui sont nées après. C'est un jeu Oui, qui est je voulais en simple. parler justement des hacks. Il y a énormément de hacks. Ils sont pas tous d'aussi bonne qualité qu'Apocalypse World, loin de là. Parce que le jeu est simple, mais il est très riche. Et c'est vite fait. En touchant aux éléments, de détruire cette T'as vite richesse. compris quelles sont les briques principales du jeu. Bah, le fait qu'il y ait ces fameux livres de personnages, qu'un personnage en fait c'est des actions spécifiques, que le MJ son rôle en fait c'est de mettre en place certaines actions spécifiques, enfin ce qu'on Certaines appelle les ambiances moves aussi. en anglais quoi. Une fois que t'as compris ça, bah, tu peux l'extrapoler à d'autres univers, à d'autres ambiances que l'ambiance d'Apocalypse World quoi. Tout à fait. Mais Quoi, pour il y a Monster un art Wars où tu d'agencer joues de ces la briques. bitlite, tu dis à la base ça a rien à voir quoi. Et en fait, ce qui reprend c'est les briques essentielles du jeu quoi. Tout à fait. Mais Apocalypse World est un excellent modèle de jeu pour un jeu où on veut faire absolument passer, là on fait un peu plus de théorie, la fiction en premier plan avec un positionnement très fort et une couleur très forte dans le jeu. Pour moi, c'est vraiment les intentions du jeu. Mais il y a plein de choses qui sont cachées dans ces règles qui ne surgissent qu'à la partie, et après plusieurs parties, on se rend compte que. Ah, les règles ont ce biais-là, elles font dévier les choses dans cette direction-là. Un peu comme Docks in the Vineyards le faisait, mais plus subtilement, je trouve. Oui, puisque Dogs, bon, on peut difficilement se tromper sur le propos. Voilà. Ici, chaque personnage va avoir ses dérives. Il y a un internaute qui s'appelle Arvid, qui sur les forums de Vincent Baker, Barf of Apocalyptica, a fait une analyse livret par livret des différents personnages. C'est assez intéressant, même s'il ne découvre pas tout, il y a encore des choses à découvrir. Et de temps en temps, quand on lit Vincent Baker, il y a des choses, mais on se dit, mais putain, il a caché ça dans le jeu et je ne l'ai pas vu, et pourtant ça s'est passé dans ma partie, et même à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est des règles qui sont sur le principe de. Tu sais, il y a certains papiers pliés japonais quand ça ressemble à rien. En fait, quand tu les mets dans l'eau, ça se déploie, puis il y a une forme qui apparaît. Moi, C'est un j'ai dit. peu. En fait, il se permet de faire l'économie d'expliquer ce que vont donner les règles. C'est juste, il pose les mécaniques et il laisse les gens voir en jeu que effectivement, si tu joues un céphale, ben ça va apporter tel biais dans le jeu. Tu vas te retrouver à avoir des comportements auxquels tu t'y attendais pas et tout. Tout à Il fait. fait l'économie en fait, il fait presque l'économie de dire ce qu'il recherche. Clairement, Apocalypse World, il me semble que c'est un jeu qui donne assez peu ses intentions, par exemple. Il te laisse les découvrir en jouant. Oui, il ne les donne pas du tout. C'est quelque chose que à tout autre jeu, je reprocherais assez virulemment, mais ici, je prends tellement mon pied que je laisse passer. je suppose qu'il me reste plus tellement de temps, j'ai pas mangé le temps de Ouais, en préparer. fait, ouais, si à moins que t'aies vraiment un truc crucial à ajouter, je pense Non, que ce serait j'ai bien deux, de trois passer trucs à à la dire suite. très rapidement. Toujours en termes de simplicité, ben, ce qui est simple, c'est les règles, les parties mécaniques des règles. C'est toujours des petits chiffres. Les points de vie, on en a 6. Les XP, on plafonne à 5 et puis on gagne une caractéristique ou une action. Les caractéristiques, elles vont de moins 3 à plus 3 et en général de moins 1 à plus 2. Des modificateurs sur les jets, des modificateurs circonstanciels. Ah, je suis plus haut, ah, il fait telle météo. Ça n'existe pas. Ce qui a beaucoup d'effet sur le jeu, mais qui simplifie encore. La création des personnages, c'est juste un choix parmi une liste. On choisit un livret, et puis sur ce livret, on choisit tout par des listes de choix, y compris le nom, y compris l'apparence du personnage, en plus des capacités qu'on veut prendre. Même les caractéristiques, il y a 5 caractéristiques. On ne choisit pas de répartir les points, parmi les caractéristiques. Il y a plusieurs propositions de répartition qui sont déjà faites. Donc ça va très très vite et de nouveau ça va dans le sens pour moi de la simplicité. Et dernier Il n'y a point, pas de calculatoire, quoi. il y a très très peu, c'est 2d6 plus 1 plus 2 moins 1 et puis c'est tout. Et c'est toujours en dessous de 6 ou moins, 7 à 9, 10 plus et on va pas plus loin que ça et ça suffit amplement. Et alors le dernier point, c'est que Apocalypse World est un jeu où il y a un petit peu de partage de narration. Et il est fait d'une manière ad hoc et assez subtile. En fait, simplement, quand il le veut, le maître de cérémonie donne la parole au joueur sur des choses qui concernent le personnage. Tiens, où est-ce que tu vas chercher ton eau? Et alors ça, c'est au joueur, à ce moment-là, inventer, ben, dans ce monde-là, comment on va chercher l'eau. Voilà, là, je pense que j'ai fait l'essentiel de ce que je voulais dire. Oui, c'est pareil. Et bah, il fait pour le partage de la narration. Et quelque part, il fait l'économie de développer des grandes théories sur comment on doit partager la narration, juste en proposant cette action du MJ qui est de poser des questions aux joueurs Tout qui à vont fait. l'inviter à créer, quoi. Ce type te saute dessus avec une hache. À ton avis, pourquoi il fait ça, quoi? Par exemple, Tout à fait, tout à fait. c'est une façon de partager la narration sans du tout théoriser le truc, sans se prendre la tête. Ben, je pense qu'il s'est bien C'est pris la tête assez. avant et puis Oui, bien livre sûr, les mais la résultats. façon dont il de se formuler, c'est assez gonflé et ça peut lever certains joueurs qui seraient opposés à partager la narration de façon large. Ils pourraient finalement être amenés à le faire sans s'en rendre compte avec cette action, quoi. Tout à fait. Et l'exemple que tu donnes, tiens, le gars te saute dessus avec sa hache, pourquoi est-ce qu'il fait ça, à ton avis? C'est un peu l'exemple de la narration partagée la plus extrême qu'on trouve dans le jeu. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça, et est une réponse tout à fait valable. Ouais, comme ça, du coup, t'es pas obligé en tant que joueur si tu veux quand même te limiter à contrôler les propriétés de ton personnage. Tu Tout à fait. effectivement, tu peux tout à fait dire ça. Et du coup, il y a un principe que John Harper appelle la ligne. Enfin, je crois que c'est John Harper. Hein. C'est que en fait, chaque joueur, il a une ligne de qu'on. En grosso modo, il y a une somme de choses qu'il accepte de contrôler autour de son personnage. Et si tu lui fais dépasser la ligne, ça le sort du jeu, quoi. Par exemple, si tu imposes absolument au joueur d'expliquer quelles sont les motivations du mec à la hache, il y a certains joueurs, ça va dépasser leur ligne, ils vont pas être d'accord pour le dire. Mais en fait, la question comme elle est formulée, sans plus de chichi, sans expliquer pourquoi la question elle est formulée comme ça, il y a que nous théoriciens qui s'amusons un petit peu à la dépiauter, eh ben permet vraiment au joueur de respecter sa ligne, quoi. Tout à Comme fait. tu. En fait, dans Apocalypse World, qui est un peu une ligne inverse, il y a des choses où tu ne peux pas refuser de prendre le pas sur la narration, c'est tout ce qui concerne ton personnage. Tiens, raconte-moi ton premier baiser, quelle est la chose que tu regrettes le plus? Des choses comme ça, c'est des questions qui peuvent arriver et auxquelles on est obligé de répondre, mais ça concerne toujours le personnage du joueur. Dès que ça concerne un élément extérieur, c'est toujours par rapport au personnage, quand on lit les règles stricto sensu. Faut pas oublier qu'il peut toujours répondre de toute façon, je me souviens pas, ou j'ai jamais embrassé personne, ou je regrette rien, et puis voilà, comme ça au Tout moins, à fait. s'il veut esquiver la question, c'est une possibilité, quoi. Mais ça Mais c'est renseigne quand même sur le personnage. exactement. Exact. Ok. Est-ce qu'on peut passer à Vivien qui voulait nous présenter Perdu sous la pluie, il me semble. C'est ça. Avec Bah, plaisir. très bien. Alors, donc pour parler, alors bon, je vais faire de l'autopromo, hein, d'un jeu qui est même pas encore sorti, mais qui a priori est quand même devrait sortir dans les prochains mois. Le plus dur maintenant, ça va être de trouver sous quelle forme. Et on peut trouver déjà aussi des rapports de partie sur les ateliers imaginaires. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs rapports de partie, on a fait plusieurs tests. Globalement, le jeu est à peu près dans sa forme, on va dire, finale. Il plaît énormément à certaines personnes, il plaît moins à d'autres, mais voilà, au moins je pense que au niveau de, je vois pas trop quoi rajouter en fait. À chaque fois que j'essaie de faire des rajouts, finalement ça dénature plus le jeu que ça ne l'améliore. Donc là, on est vraiment maintenant dans une étude de forme, on va dire, de publication, d'illustration, etc., plus que de, enfin, et de relecture bien évidemment aussi. Hein. Voilà. Pour en parler, donc, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur trois jeux très rapidement. Hein, je vais pas, c'est pas le but d'en parler de ces jeux. D'abord, parler d'un jeu dont on n'entend jamais parler quasiment dans les podcasts, c'est Burning Wheel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce jeu ou pas. Non, je connais de nom. Beaucoup de voilà. Discussions sur Casus Snow, mais c'est je ne sais ça, pas. C'est ça, Casus Snow, on a énormément parlé via des personnes comme enfin Udo Femi ou moi-même. En fait, c'est un jeu qui a apporté pas mal de choses intéressantes, mais qui avait pour défaut et pour qualité d'avoir un système extrêmement compliqué, extrêmement dense, touffu, etc. Ouais, si je peux me permettre, là, j'ai lu les légendes de la garde qui sont inspirées de Burning Wheel. Ouais. Je les ai lues en VO et je me dis, ouais, c'est bien, mais je comprends pas. Je pensais que c'était lié à la VO, que j'arrivais pas à retenir les règles. Et là, bah, heureusement, merci Fabien Deneville, j'ai reçu la VF. Ouais. Et c'est toujours trop compliqué pour moi. Alors, faut savoir donc que Légende de la Garde, c'est 1 million de fois plus simple que Burning Wheel. Ça réussit okay. Les concepts de base, ça simplifie énormément de trucs, et Burning Wheel à côté, c'est, enfin, il y en a qui appelleraient ça une usine à gaz, quoi, tellement c'est. Et en même temps, l'intérêt de Burning Wheel, c'est que théoriquement, si toute la table connaît les règles sur le bout des doigts, en fait, ça devient un jeu qui, il y a une part de stratégie, en fait. À plein de niveaux. Il y a du méta-jeu, etc. Donc ça devient passionnant. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que, à toutes mes parties, personne ne connaissait les règles à part moi, et du coup, j'étais un peu seul à passer mon temps à dire aux joueurs, bah, là, tu pourrais faire ça, mais du coup, la stratégie devient annulée, quoi. Il y a plus de bluff, il y a plus rien, parce qu'on passe son temps à expliquer finalement des règles. Et ce qui devrait être. Bah, du coup, quelque part, il y a un effet où tu joues à la place des joueurs. Quasiment, oui. Oui, et je me suis rendu compte, il y a énormément de jeux finalement qui sont un peu comme ça, qui pourraient être passionnants si tout le monde connaissait les règles, mais dans les faits, bah, très honnêtement, à part Donjons et Dragons 3, je crois, j'ai pas connu beaucoup de jeux où les joueurs avaient leur propre manuel. Ouais, mais bon, à Donjons et Dragons 3, moi, je vais être honnête, hein, moi, nous, on jouait, il y avait que le MJ qui avait lu le manuel, quoi, et en fait, le MJ, souvent, il jouait à notre place, quoi, hein, il nous disait quel don acheter, quel sort prendre, il nous disait, ah, bah, là, tu peux faire une attaque d'opportunité, machin. Alors bon, s'il était bon, il nous proposait plusieurs choix tactiques, ouais. Mais la plupart du temps, on était quand même quelque part, ouais, le MJ jouait à notre place, quoi. C'est ça. Et du coup, ça, quelque part, je me suis dit au bout d'un moment, bon, ben, enfin, c'est pas possible, ces jeux, je les adore. J'adorerais y faire jouer dans les conditions décrites. Parce que Luke Crane, qui est le concepteur de Burning Wheel, n'arrête pas, justement, lui, admet clairement que ceux qui doivent jouer à son jeu, tous les joueurs devraient connaître au moins les règles de base. Le guerrier devrait connaître par cœur les règles de combat, le mago par cœur les règles de magie. Et il est limite dans une espèce de posture de défis, d'opposition, enfin saine, on va dire, entre lui et les joueurs, quoi. C'est-à-dire que les joueurs doivent mériter leur victoire en quelque sorte. Ce qui est parfait en théorie, mais dans les faits, hélas, je me suis bien rendu compte que ça marchait pas, en tout cas pas avec les tables, enfin avec les joueurs que je côtoie pour la plupart. Voilà. Ça, c'est ce qui a initié en fait quelque part mon désir de simplicité, pas par choix personnel, mais par contrainte, on va dire, du monde réel, quoi. Mais si je peux paraphraser, il y a un plaisir spécifique à la complexité du jeu et à la maîtrise et à manipuler cette complexité, mais ça demande un investissement important de la part de tous, et toutes les tables ne sont pas prêtes à faire ça. Ah bah clairement, enfin moi je connais pas vraiment, ou alors il faudrait vraiment qu'on joue sur des campagnes entières à un seul jeu, quoi, ce qui devient finalement de moins en moins la réalité par rapport à, finalement quand j'étais adolescent, je jouais effectivement à un jeu sur un an, parce que j'avais peut-être pas les moyens d'acheter d'autres jeux, parce que l'offre était un peu moins pléthorique, parce que j'avais plus de temps aussi, ou je sais pas, on jouait plus longtemps le week-end, j'en sais rien. Je sais pas pour vous si c'était à peu près comme ça, mais... Si, tout à fait. Mais il y a une question, je pense, aussi de où on en est dans sa vie, le temps qu'on peut consacrer à réfléchir, le temps qu'on peut consacrer à préparer, le temps qu'on peut consacrer à jouer, C'est et ça. quel type de plaisir on va avoir au moment de la partie. C'est ça. Donc c'est juste pour dire que voilà, la simplicité, c'est plus une constatation aussi par rapport aux réalités plutôt qu'un rejet complet de la complexité qui serait vue comme inutile ou quelque chose comme ça, quoi, de ma part en tout cas. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, Après l'autre jeu, oui. je pense que la bonne complexité est tout aussi difficile à atteindre que la simplicité. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Après, mais je pense que Burning Wheel, par certains points, touche à la bonne complexité, mais hélas, voilà. C'était bon. Toujours est-il que donc il y a un autre jeu qui m'avait deux autres jeux qui m'ont marqué. Eux, par contre, pour le coup, pour la simplicité, c'est le premier, ça a été Perfect de Joe. Alors à chaque fois, je prononce mal son nom, Magnando, celui qui a fait Monster Hearts ensuite. Qui raconte en gros très rapidement les histoires d'une société soi-disant parfaite, mais dans laquelle on jouerait des, on va dire des révolutionnaires, quoi, des personnes qui seraient prêtes à aller taguer un mur ou faire sauter une bombe ou un truc comme ça, justement pour montrer que le monde n'est pas aussi parfait qu'on voudrait le croire. Et le jeu, en gros, consiste à, en fait, à affronter la loi, en quelque sorte, la loi qui vous poursuit et qui soit vous capture et vous torture, soit vous continuez vos actions. Enfin, bon. Ce qui m'a intéressé le plus en fait dans le système, c'est que la loi, donc en gros le MJ dispose d'un certain nombre de jetons et le criminel dispose lui aussi d'un certain nombre de jetons et il y a une phase qui s'appelle en gros la capture, c'est-à-dire la loi part à la poursuite du criminel et remonte sa piste, le découvre, se met à lui courir après, enfin ce genre de trucs, les événements classiques. Et tout le principe du jeu consiste au début en fait à décrire chacun un certain nombre d'actions. Par exemple, la loi va dire, bon, alors le détective regarde les traces de pas dans la suie auprès de l'endroit où tu as commis ton crime, il commence à repérer que les traces vont vers les égouts, et à ce moment-là, donc, la loi avance un certain nombre de jetons. À son tour, le criminel fait pareil, il dit, bon, alors moi, je suis dans les égouts, je commence à, en fait, je marche dans l'eau pour éviter de laisser des traces de pas, puis je remonte, enfin, il avance lui aussi un certain nombre de jetons. À ce moment-là, c'est la loi qui reprend le pas, qui continue à décrire, et ainsi de suite. Chacun à son tour, les gens décrivent en avançant toujours un certain nombre de jetons entre 1 et 3, il me semble, jusqu'à ce qu'au final, les gens décident, enfin, les deux parties décident d'arrêter justement leur mise. Et fasse le jet pour déterminer si la capture est réussie ou pas. On s'arrête sur un moment de cliffhanger, et soit le criminel s'échappe in extremis, ou voilà, soit la loi le rattrape. C'est en gros l'idée. J'avais trouvé ça très très séduisant, ce côté, enfin, limite silencieux de la mécanique, c'est-à-dire les gens qui décrivent les actions et qui, sans dire plus de mots, en fait, se contentent d'avancer des jetons, chacun à leur tour, un peu comme on pourrait imaginer, par exemple, des gens qui jouent au poker et qui connaissent par cœur les règles, qui jouent en silence, en fait, en prenant leurs cartes, en misant, enfin, je sais pas si vous voyez, Ouais, tout à tout à fait, ouais. fait. Une espèce de Ouais. fluidité, justement, un Pas peu. troublé par des phrases purement mécaniques, du genre je fais un jet de machin, C'est ça. j'utilise telle compétence. C'est ça. Sans parler, là encore, c'est, on va dire, la version fluide. On peut imaginer quelle compétence je peux utiliser. Attends, alors là, t'as le choix entre telle compétence et telle autre. Enfin, Attends, je regarde page 153. c'est ça, alors ça, le pire du pire, effectivement, étant le « Ah, je me souviens plus, attends, je vais regarder, fais voir le résumé, mince, il répond pas, on va regarder dans le bouquin, enfin, ce genre de truc, quoi. Ou fais-moi un jet, compte les succès, ensuite les succès, tu les ajoutes à ton nouveau jet qui te permet de… » Enfin, voilà. C'était vraiment cette idée un petit peu de narration presque ininterrompue, sans pour autant que il n'y ait pas de système derrière pour la… comment dire… pour qu'elle se base dessus, quoi, pour la sous-tendre, en fait. Voilà. Et troisième et dernier exemple qui, à l'origine, c'est Monostatos de Fabien Idvine, qui va me permettre de faire un peu de pub pour un ami, qui contient un élément qui m'a paru particulièrement intéressant. Alors, je sais pas si d'autres jeux l'ont fait avant lui, c'est possible, hein, mais en tout cas, que j'ai découvert dans ce jeu-là, c'est l'idée que pour gagner des points, en fait, le MJ ou les joueurs devaient décrire des scènes. Les scènes étant un peu encadrées par le jeu, c'est-à-dire, alors, faut que je retrouve un exemple quelconque, mais ça peut être par exemple le meneur de jeu qui joue en quelque sorte le grand dieu Monostatos contre lequel les héros doivent lutter, va décrire quelque chose comme une façon dont les prêtres dans la ville, par exemple, manifestent la tyrannie en fait du dieu Monostatos. Et le joueur, lui, va gagner des points en décrivant comment, au contraire, il va rencontrer des gens qui vont l'aider sur sa quête, etc. Donc en fait, le système encourage la description, la récompense par des points, et ceci de façon relativement simple, en fait, finalement. On emmagasine des points pour, à la fin, finalement, faire le jet un peu comme Perfect, finalement, quelque part. On fait le jet au dernier moment, une fois qu'on a emmagasiné suffisamment de points, et ces points-là étant encouragés et récompensés par le système. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à Perdu sous la pluie. C'est comme ça que j'arrive à Perdu sous la pluie, effectivement. Donc, Perdu sous la pluie, pour résumer très brièvement, le principe du jeu, c'est vous êtes un enfant qui s'est perdu, qui a perdu ses parents pour une raison X ou Y, qui leur a lâché la main, ou il est parti les chercher parce qu'ils étaient au travail, et il s'est retrouvé perdu dans la ville, et finalement, les adultes ont disparu, il ne reste plus que, finalement, une ville complètement déserte, et il découvre que dans les interstices, dans les flaques, etc., la pluie se met à tomber, et de cette pluie naissent des sirènes de l'averse, aussi appelées l'aversité, et ces sirènes, en fait, ont une soif dévorante d'enfants. Elles ne vivent que le temps de la pluie, et pour survivre, l'enfant n'a qu'une solution, c'est de trouver d'autres enfants avec lui, de se mettre en groupe, parce que les sirènes sont aussi lâches que voraces. Et ils trouvent effectivement d'autres enfants, qui sont les autres joueurs, en fait, et ensemble, ils essayent de trouver la solution à leur problème, en tout cas de survivre au moins. Le problème étant que les sirènes s'infiltrent dans le groupe, à la fois dans les ombres, dans les pensées des enfants, etc., et que au final, les enfants vont finir par se séparer pour diverses raisons, et un seul d'entre eux survivra et retrouvera le chemin de sa maison. Tous les autres seront emportés par les sirènes dans les limbes. Voilà. Le principe du jeu étant que, au lieu d'avoir un MJ et plusieurs joueurs, il y a à chaque fois un joueur et plusieurs MJ, en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque chapitre, chaque tour de jeu, en fait, est consacré à un enfant, qui le monde est décrit en fonction de ses perceptions. C'est-à-dire que c'est lui qui voit, c'est lui qui pense, etc. Et les autres, en fait, lui, eux, jouent l'aversité et lui décrivent, en fait, ce qu'il voit, ce à quoi il pense, enfin, ses noires pensées, ce genre de choses. Lui reste, évidemment, maître de sa volonté, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de ce qu'il fait. Par contre, il y a comme une espèce de petit diable, en fait, qui lui susurre les mauvaises pensées du type « Est-ce que, tiens, c'est bizarre, tel enfant te regarde avec un... Il a les yeux un peu rouges comme un reflet. Tu te demandes si c'est peut-être pas une sirène qui serait infiltrée parmi vous. Tu vois qu'il parle de toi avec un air maussade. Visiblement, ça leur a pas plu que tu te mettes à pleurer. Ils se demandent si t'es pas plus un boulet qu'autre chose et s'ils vont pas se débarrasser de toi. Ainsi de suite. Et puis, ils peuvent aller jusqu'à décrire l'attaque de sirènes un peu tellement affamées qu'elles finissent par vaincre leur peur et qui prennent l'apparence de monstres divers. Tout le principe de la mécanique, c'est que chaque enfant, donc chaque joueur, dispose de 10 jetons d'attache, pardon, et ces attaches vont lui être enlevées au fur et à mesure de la partie. Pour pouvoir enlever une attache, c'est là où on revient un peu à l'idée de, c'est inspiré un peu de Monostatos, en inversé, c'est-à-dire que pour pouvoir enlever une attache, les autres joueurs doivent lui décrire quelque chose qui lui fait peur. C'est-à-dire, soit, comme je disais, une noire pensée, soit une attaque de sirène, soit le fait qu'il ait faim, ses sensations, enfin ce genre de choses. Pour pouvoir enlever un jeton, il suffit qu'il décrive quelque chose, et là, ils lui prennent le jeton, ils n'ont pas à lui demander sa permission ou quoi que ce soit, le système encadre fait qu'à chaque tour, chaque joueur ne peut enlever qu'un seul jeton, s'il le décide. C'est-à-dire que il peut aussi ne rien enlever, ou se contenter de décrire les actions de son propre enfant, enfin de son propre personnage, et... ne pas enlever de jetons. Après tout ça, c'est la liberté. Par contre, on n'est pas obligé à chaque tour d'enlever des jetons aux autres. Alors, si je peux me permettre d'interrompre, tu parlais donc de fluidité, puis du fait que le système était un peu invisible, c'est-à-dire qu'on on l'entendait pas, on n'entend pas les rouages pendant qu'on joue. Ce qui est intéressant là, ce que tu rajoutes au niveau des jetons, c'est que là, c'est un peu plus complexe que dans Perfect, parce que c'est pas des mises, c'est des transactions, oui, en fait, des échanges, oui, de jetons, ça, si on veut. On prend des jetons à l'autre, on en donne, on en prend. Je crois qu'il y a aussi une mécanique quand tu te bats contre un enfant, tu perds un jeton et tu lui en fais perdre un aussi. C'est ça. Les transactions, en fait, dès qu'il y en a un qui initie la transaction, l'autre peut pas refuser, quoi. Mmh. Et ben ça participe aussi d'un système qui est invisible, quoi. C'est-à-dire que tu joues l'aversité, tu dis écoute, t'as l'impression que les enfants te rejettent, clac, je te pique un jeton. C'est ça, parce que la personne, comme elle est obligée d'accepter cette transaction. Eh ben, du coup, ça se fait. T'as juste à faire le geste de prendre le jeton. En fait, tu n'interromps pas ta narration pour dire je te prends un jeton, quoi. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de mécanique qui permet, enfin, qui obligerait de suspendre son geste ou ce genre de choses. C'est aussi permis dans la mesure où on parle des perceptions de l'enfant, de ses noires pensées, des choses qui lui échappent. C'est-à-dire qu'il peut pas dire non, j'ai pas ces noires pensées. En fait, ça, quelque part, ça, justement, l'idée, c'était de traiter des choses qui échappent finalement à la volonté, comme nous Du coup, il n'y a tous. pas non plus de lutte pour la narration, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas, tu ne peux pas contredire ce que vient de dire quelqu'un d'autre. Par Voilà. exemple, alors à moins que j'ai pas bien compris les règles, si quelqu'un qui joue l'adversité dit que tu trébuches et que tu tombes dans la boue, tu peux pas le contredire, quoi. C'est Non. dit, c'est fait, quoi. C'est dit, c'est fait, exactement. Le seul moyen, si jamais il y a vraiment une contradiction, on va dire une opposition de volonté véritable, le seul moyen qu'a le joueur de l'enfant dont c'est le tour, en fait, de reprendre la narration, c'est soit de se faire aider par un membre de l'adversité qui, à ce moment-là, lui donnera un de ses jetons, c'est-à-dire qu'il se sacrifie pour aider l'enfant. Mais ça, tu peux le faire en Soit. narratif. Tu peux dire, bah, Lucas, aide-moi, quoi. Ah, t'es obligé de le faire en narratif, en plus. Voilà. Pour Donc, donner le jeton, effectivement, ça doit transiter aussi par le fait que Lucas va t'aider à te relever, ou alors, au contraire, enfin, qu'il est juste là pour te soutenir au moment où tu tombes et que tu évites de tomber dans la boue, par exemple, pour imaginer. Et l'autre possibilité d'influer sur la narration, c'est, comme tu disais, c'est en gros de piquer une colère. Et de se défouler soit sur un enfant, soit de se mettre à hurler, soit. Et dans ce cas-là, c'est le joueur dont c'est le tour qui gagne, mais en échange, il doit enlever un jeton à la personne sur laquelle il se défoule et sacrifier un de ses propres jetons. C'est-à-dire que lui-même, il s'amenuise en cédant à ce type de comportement destructeur. Voilà. Donc tout le principe, effectivement, c'était cette idée, voilà, de simplicité, en fait, avec des transactions de jetons. Il y a quelque chose qui, en ce moment, en tout cas, influence énormément la façon dont je conçois les jeux, quoi. après, on voit ce que ça amène. Enfin, je sais pas si c'est lié, mais Perdu sous la pluie, c'est des parties courtes, hein. Il me semble que c'est Oui. 1 heure, quoi. C'est 1 heure, non. Au-delà d'une heure, en fait, le jeu commencerait à. Ceux qui ont vraiment pas aimé leur partie, c'est ceux qui ont tiré trop sur la corde et qui ont fait des parties très longues, en fait. 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et demie, c'est vraiment le maximum et c'est parfait en termes de durée. C'est vraiment, je vais reprendre Fabien Ilvine qui m'avait fait un super compliment pour le coup, vu que j'ai fait un peu de promo pour son jeu, je peux me permettre, qui m'avait dit que c'était un jeu poème en fait. C'était un peu l'idée en termes de quelque part de contraintes temporelles. Il faut que le jeu soit court pour être efficace, quoi. Après, ce qu'on voit, par exemple, si tu joues 1 heure, 1 heure et demie, avec un système comme ça invisible, c'est-à-dire que la parole des joueurs est jamais coupée par des trucs procéduriers, quoi. C'est ça. En fait, c'est que souvent c'est jamais coupé non plus par de la négociation. On négocie jamais la fiction. En fait, c'est très dense en matière de C'est fiction, quoi. épuisant, Tu quelque part, tu aurais un système carac compétences, la même fiction, tu l'aurais peut-être joué en 2 à 3 fois plus de temps, quoi. très clairement. Puis, je me souviens aussi quand, en fait, en tant que MJ, je me souviens qu'il y a plein de fois où je me reposais, enfin, dans d'autres jeux, je veux dire, les jeux classiques, je me reposais de la narration, en fait, en lançant des combats ou des actions, parce que, au moins, voilà, on fait des jets de dés, machin, ça permet de se reposer 2 minutes à son imagination, quoi. Dans Perdu sous la pluie, tous les joueurs jouent tout le temps. Il n'y a pas un moment où il y a quelqu'un qui est juste spectateur. Non, Ok. non, tout le monde joue tout le temps. Par contre, ceux qui ne sont pas, dont c'est pas le tour, ont tout à fait la possibilité de pas jouer. Ils sont pas obligés de décrire. Ils peuvent ne rien faire finalement, ne pas enlever de jetons, Ils peuvent se contenter de jouer leur personnage. voire même ne rien dire. Bon, effectivement, après, ils peuvent se contenter normalement, en tout cas, au moins de décrire les actions de leur personnage tranquillement. Par contre, ils doivent les décrire à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire que comme on est dans les perceptions du joueur principal, les autres ne peuvent pas dire je. Ils doivent dire mon personnage fait ça, ou à la limite, je sais pas, on va l'appeler Michel. Michel, te regarde avec un air un peu triste, et puis c'est tout, quoi. C'est comme si Voilà. tu devenais un PNJ en fait quand c'est le tour de l'autre. T'es plus un PJ, Exactement. tu deviens une sorte de PNJ. Exactement, c'est ça. Il n'y a que le joueur dont c'est le tour qui peut dire je, les autres s'adressant à lui en disant tu, un peu comme des MJ s'adressant à un PJ. Enfin, exactement comme. Et juste pour ajouter, donc en fait, le côté aléatoire que je trouve important dans les jeux, malgré tout, pour un peu de suspense, quoi, quelque part, dans Perdu sous la pluie, en fait, a été redistribué au niveau des joueurs eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que, à eux de décider à qui ils enlèvent des jetons, est-ce que, ils aident quelqu'un, est-ce qu'ils piquent une colère au contraire et s'enfoncent en emportant quelqu'un avec eux. J'ai rebalancé, en fait, le principe d'aléatoire, de surprise, en fait, sur les choix des joueurs. Et ça se ressent aussi quand un joueur termine son tour, c'est lui qui décide qui jouera après lui, en fait. Qui sera à nouveau, qui sera le prochain enfant dont c'est le chapitre. Ce qui ajoute encore une dimension, finalement, quelque part, aléatoire. Et au début, on vote aussi pour qui sera le premier joueur et qui sera le premier, donc, à perdre des jetons. Tout ça, je pense, enfin, en tout cas, d'expérience, j'ai l'impression que ça ajoute effectivement une bonne dimension, on va dire, de surprise. Ce qui évite un jeu un peu trop, enfin. Le but du jeu, c'est pas non plus d'avoir une espèce de truc hyper stratégique. C'est pas du tout l'enjeu de Perdu sous la pluie, quoi. On n'est pas là pour, enfin, on peut, mais le principe, c'est que c'est un faux jeu de stratégie, en fait, quelque part. Moi, ce que je retiens en termes de simplicité sur ton jeu, bah, c'est que la feuille de personnage, quelque part, c'est l'historique du personnage. Et encore, c'est un historique très utilitaire, puisqu'en fait, il sert un petit peu à fertiliser l'imaginaire de la partie. Par exemple, il me semble qu'il y a une question, c'est qu'est-ce qui te fait peur? Tu te dis, bah, moi, ce qui me fait peur, c'est une girafe pelée que j'ai vue dans le zoo. Les autres joueurs vont être invités à l'utiliser, à la mettre en scène comme en tant que monstre. C'est clair. Ah bah, là, je remercie, c'est Aristide, pour le coup, qui avait inventé le coup de la girafe pelée. On s'en est donné à cœur joie lors d'une partie test. Ça nous a bien bien foutu la trouille, surtout qu'un des joueurs limitait avait à la perfection et le hurlement de la girafe pelée, je m'en souviens encore, quoi. Du coup, t'as un background qui est certes minimaliste, mais vraiment qui sert à, c'est vraiment un buffet garni dans lequel les joueurs sont invités à piocher pour alimenter la fiction de la partie. Donc il est vraiment pas cosmétique, hein. Moi, j'ai vu dans d'autres jeux des gens écrire 10 pages de background dont pas une ligne était utilisée en jeu, hein. Parce que tout simplement la mécanique du jeu n'invitait pas à le faire. Et puis sinon, bah ta feuille de personnage, c'est ça. Et puis grosso modo une dizaine de points de vie que sont ces jetons d'attache, soit en quelque sorte c'est des points de vie, quoi. Enfin, oui, en quelque sorte c'est ça. Donc ça fait partie des jeux qui montrent qu'on peut enlever beaucoup de choses dans les mécaniques. Oui. Mais que ça reste jouable sans problème, quoi. Oui, non, c'est sûr. Effectivement, les questions, c'est du type pourquoi tu penses que tes parents t'ont abandonné, qu'est-ce qui te fait de quoi est-ce que tu fais encore des cauchemars la nuit, où est-ce que tu vivais, parce que où est-ce que tu vivais, ça peut servir aussi en jeu en disant on n'a qu'à aller chez moi, j'habite dans un grand orphelinat avec plein de lumière, vous verrez, il y a plein de gens, ça va être super sympa, ou ce genre de choses, quoi. Est-ce que, bah, en tout cas, hein, bon, moi, c'est un jeu que j'ai la chance de pouvoir lire, là, parce que Vivien, tu m'avais envoyé le texte en relecture, si on veut, quoi. C'est vraiment un jeu passionnant. Moi, je vous invite à vous pencher sur les comptes rendus de partie, hein, sur le forum Les Ateliers Imaginaires, pour en découvrir un peu plus. Peut-être, avant de passer à autre chose, Vivien, est-ce que, sous quel format tu vas sortir? Moi, j'ai vu que le texte, il est très court, hein. Soit c'est 50 pages en format quoi? En format post-it? Enfin, sous quel format tu vas sortir le livre? Alors, pour l'instant, en fait, je fais un essai avec le site de... Alors, j'ai essayé de me passer de Lulu, qui est généralement très utilisé pour les jeux indépendants. Là, j'essaye, ça doit être CreateSpace ou quelque chose comme ça, qui est le truc racheté par Amazon, qui permet apparemment d'autres formats. Donc là, je suis parti. Alors, le problème, c'est que je suis parti pour le moment sur un 15 par 15, je crois, ce qui a l'air assez gros, c'est-à-dire un format carré assez massif. Alors, j'attends encore la livraison de l'exemplaire de démonstration pour voir si c'est sous ce format-là que je vais faire. Mais voilà, je pensais, j'aurais bien aimé un format carré ou un truc assez... ou alors carrément un truc type fascicule à voir, quoi. En tout cas, je risque de passer sans doute par le print on demand... pour des raisons de simplicité, quitte à en commander quelques-uns pour moi et puis les vendre dans les conventions ou de la main à la main, parce que ce sera plus sympa, quoi. En lisant ton premier jet, moi j'avoue que le format qui m'aurait séduit, ça aurait été un jeu de cartes, en fait. C'est à ça que je pensais aussi en Un jeu de écoutant la cartes, description du du coup, jeu. t'aurais pu distribuer aux joueurs, par exemple, une carte avec le questionnaire de création de personnage, une carte avec la règle pour prendre des attaches, une carte avec des exemples, une carte avec juste des illustrations. Par exemple, si tu imagines une carte illustration d'une girafe pelée qu'on va pouvoir utiliser, ou d'un parc d'attractions abandonné qu'on va pouvoir utiliser, parce que en plus tu parles, tu dis qu'on peut s'inspirer d'illustrations pour Oui. créer la zone de départ. Voilà. Enfin, le fait que tu avais rédigé ça déjà sous format carré avec Ouais. un très petit format, hein, je sais plus qu'à 15 par 15, clairement, moi ça me fait penser à un jeu de cartes. Alors moi je sais qu'il y a un jeu, alors ça doit être Anabi, je crois, un jeu de cartes justement qui dont les règles sont sous format carte. Et c'est juste catastrophique pour lire les règles. Je me souviens que c'est parce qu'on en perd là. Enfin la moitié, on sait plus où sont les trucs, etc. Ah, Mais d'accord. l'idée est intéressante. Alors après pour les illustrations, je suis partagé, j'avoue, parce que l'idée du jeu, c'est quand même que les sirènes sont polymorphes et donc prennent l'aspect des cauchemars des enfants. Et j'ai pris énormément de plaisir, enfin à titre personnel, à le principe du jeu, c'est que souvent quelqu'un introduit un élément horrifique, les autres rebondissent dessus, le nourrissent. Et j'avoue que ça m'a vraiment, enfin, c'est un truc que j'avais pas du tout vu venir quand j'ai conçu le jeu et qui m'a vraiment plu. Et j'ai peur que le format, en fait, illustration ne tarisse, en fait, ne cadre trop, finalement, parfois, Après, l'image de c'est la mon grande jeu. question des jeux de rôle, c'est est-ce qu'il faut des illustrations dans les jeux de rôle, sachant que généralement, il n'y a que le MJ qui les voit, et à quoi servent-elles, quoi? C'est Si tu ça. mets une carte, si tu mets une carte avec une illustration sans dire à quoi elle sert, la table verra bien si elle s'en sert comme matériau d'inspiration, si elle s'en sert comme bestiaire net, quoi. Par exemple, dans Labyrinthus, c'est clairement ça. Il y a des cartes de monstres. Bah, les cartes servent de bestiaire, quoi. Ou est-ce que c'est juste pour se donner une ambiance? Bon, bah, quand on voit une photo d'une girafe pelée, je sais pas, à moitié zombie et tout, on va imaginer un univers de créatures un petit peu enfantines, mais Ouais. corrompues, quoi. Ce sera pas forcément des girafes, ce sera autre chose, mais. À mon avis, si tu veux des illustrations, ce qui est toujours une question, tu peux contourner le problème en ne montrant que les enfants et les réactions des enfants. Un Ou en enfant qui montrant pleure, que des loups. un enfant qui s'enfouit, un groupe d'enfants qui se réconfortent les uns les autres, ça C'est peut ça. poser l'ambiance sans montrer ce qu'il y a autour de trop. Clairement, si je devais faire des illustrations, ce serait plus sur ce point de vue-là que je me baserais, parce que sinon, c'est vrai que j'aurais trop peur vraiment de cadrer, en fait. Hein. Surtout pour ce qui est des sirènes, justement, en fait. Hein. Là où on voit aussi, c'est un concept de simplicité, c'est que des fois, vouloir trop détailler son univers de jeu, c'est empêcher la table de se l'approprier et d'être créatif, quoi. Oui. Oui, clairement. Moi, enfin, je fais partie de cette frange de rôlistes, on va dire, qui, au bout d'un certain temps, ont de plus en plus de mal à lire des backgrounds épais, en fait. Et préférerais quelques lignes très incisives plutôt que des pages et des pages d'historique, de politique, de machin, de. Enfin, ça j'y arrive plus, honnêtement. C'est pas un jugement de valeur sur le truc, mais c'est juste que je peux plus. Je vais donner un son de cloche un peu contraire. Je suis passé par là avec un jeu très régulier qui était d'une partie par semaine, 3-4 heures de partie, avec des jeux qui demandaient énormément d'efforts narratifs et d'invention à partir de presque rien. L'avantage, effectivement, c'est qu'on pouvait commencer à jouer sans trop préparer parce qu'il y avait peu de choses à assimiler. Par contre, l'effort en cours de jeu est beaucoup plus grand et je suis arrivé à un burn-out de meneur de jeu. J'ai dû arrêter de jouer pendant quelques mois parce que c'était juste plus possible, quoi. J'en pouvais plus, je faisais plus que des mauvaises parties. Je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que le mouvement de simplification des backgrounds soit concomitant du mouvement de simplifi enfin de partage de la narration plus ouvert, quoi. Tout à fait. Justement, parce que sinon le MJ, enfin. Sinon, on a tous essayé, enfin moi ça m'est arrivé bien avant de me lancer dans des jeux comme ça, de faire de l'impro, et souvent c'était la catastrophe, hein. Je vais bien être honnête. Sans système pour me soutenir, enfin, la plupart du temps je me viandais, quoi. Je pense qu'avoir juste quelques éléments pour lesquels construire, c'est une approche de la simplicité, que j'aime beaucoup. Une autre que j'aimerais voir, là je saute déjà la liste au Père Noël, c'est des backgrounds simples à s'approprier, mais qui ont quand même une richesse, qui ne demandent pas de construire autant, quelque chose en équilibre entre l'improvisation totale et un background qu'on va trouver style chez Pathfinder ou chez RuneQuest, quelque chose qui serait entre les deux avec des fiches à distribuer, chacun s'approprie un peu une partie du background, comme on peut faire en GN, et puis on se retrouve en jeu, et on n'a plus qu'à restituer pour moitié ce qu'on a appris, ce qui est moins d'efforts. Clairement, je crois qu'il y a des gros travails de game design au niveau du background qui sont encore à inventer. Hein. Tout à fait. En ce qui me concerne, moi, sur Midvaux Sombre et sur Influenza, déjà, j'ai adopté une approche un peu hybride. J'ai une espèce de leitmotiv qui est faut pas sacraliser l'univers, quoi. En fait, c'est-à-dire que obliger le MJ et la table de respecter une tagline, un univers bien précis, ça peut des fois tout simplement empêcher de jouer. Moi, j'ai des au début, je commençais à écrire sur Milvaux, j'avais l'impression qu'un certain attendait que j'ai écrit tout un corpus avant de pouvoir commencer à jouer, de peur de contredire en fait, de contredire ce que j'allais écrire par la suite. Et du coup, quand j'ai écrit Milvaux Sombre et Influenza, au tout départ, l'univers est présenté d'une façon vraiment lapidaire. Hein. Je crois que c'est une demi-page. Dans Influenza, c'est pire que ça. Je crois que c'est 5 lignes. Un petit peu comme dans Apocalypse World, hein, quoi, hein, du coup. Tout à fait. Et ensuite, on passe directement aux règles. Mais dans les règles, il y a notamment des règles pour crafter l'univers. Que ce soit dans Milvaux Sombre ou Influenza. C'est-à-dire que la table va pouvoir inventer l'univers à la volée. Ou en préparation, mais en tout cas c'est la table qui développe l'univers elle-même grâce à des outils. Et ensuite, à la fin du bouquin seulement, il y a le background en dur, quoi. Et du coup qui est présenté, si on veut, comme une liste de rumeurs, et enfin en tout cas pas comme quelque chose qu'il faut absolument respecter, quoi. Alors, sachant qu'il y a des tables du coup qui vont quand même essayer de suivre ce corpus. Bah, tout simplement par goût personnel ou parce qu'elles apprécient ce qu'il y a justement dans le background. Et il y en a d'autres qui vont vraiment, moi je vois dans les contrats de partie, complètement crafter, en fait inventer leur propre Milvaux sans du tout se référer au background, quoi. Et Influenza aussi finalement. Enfin, si, moi je sais que j'ai pas lu la partie background justement à cause de mon côté, j'arrive plus à lire des backgrounds, mais en même temps. Oui, tu peux jouer à Influenza sans lire le background. C'est ça, j'ai vu que la partie règle, effectivement, du coup, mais... Que finalement, voilà, en une page, je crois, tu décris le principe du jeu, l'égrégore, la grande forêt... Ouais, tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, Thomas, si je me trompe pas, tu proposes le livre sans le background également. Oui, on peut, effectivement, on peut acheter le livre sans le background. Enfin, ça, c'est plus pour ceux qui avaient déjà le background dans Milvaux Sombre. Hein, ouais, mais à la limite, c'est vrai que... moi-même, tu vois, j'ai du mal à acheter un jeu qui fait 400 pages, parce que je suis le premier que ça fait chier de lire des univers. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, mais du coup, toi, ça se trouve, je serais du genre à acheter le livre sans l'univers, moi. Tu décris ton univers par... c'est comment t'appelles ça déjà? C'est des scènes ou des théâtres? Ouais, des petites zones de jeu, ouais. Et du coup, ça permet de pas être obligé de lire tout le background en une fois pour pouvoir y arriver. En fait, on pioche ce qui nous intéresse, non, c'est ça? Oui, notamment, et puis surtout, il y a des techniques dans le jeu pour crafter l'univers, quoi. L'univers est découpé en 12 thèmes, et qui sont en fait portés par les règles, quoi. Ouais, donc c'est déjà quand même aussi une réflexion de game design sur l'accessibilité du background et pas juste... Ouais. Comme à très honnêtement, enfin, j'adore par exemple un jeu comme Chin que je trouve de très très bonne qualité, mais j'avoue que quand j'avais lu le jeu et t'as que un corpus à digérer, quoi, dans Chin, quoi. J'avais acheté le jeu pour les illustrations de guerriers de haute volée, machin. J'avais envie de faire du tigre et dragon ou du Chang'e, etc. Partir partout, et je me suis payé 60 pages sur la politique, le mariage, etc. Ce qui est super intéressant. En dehors du jeu, mais dans le jeu même, j'avoue que ça m'a vu juste asséché, en fait, par exemple. Ça, c'est le dernier exemple en date que j'ai quasiment de trucs où finalement je me suis dit, j'en peux plus des jeux à background, quoi. En fait. Après, bon, je suis persuadé que tu peux jouer à Chin sans utiliser le background, quoi. Et ouais. Puis de même que je suis assez persuadé que, bon, j'ai pas lu toute la gamme, hein, malheureusement, mais que ce background, il est sans doute utilisé intelligemment et à bon escient dans toute la gamme de scénarios et de campagnes de Chin, quoi. C'est plus une question, je pense, du coup, d'accessibilité des éléments dont tu as besoin à un moment donné, en fait, je pense. T'es obligé, si tu écris les choses de façon traditionnelle, t'es obligé de te les taper de A à Z, Et tu risques, en courant le risque, au bout de 30 pages d'historique avec tout ce qui s'est passé dans le passé, etc., de dire bon, finalement j'ai plus envie d'y jouer, par exemple. Ouais, surtout que le livre te dit pas forcément de comment tu peux faire le tri, quelles sont les infos facultatives. Non, et puis finalement le jeu te parlera pas, par exemple, de comment est organisée une auberge ou comment vivent les gens au quotidien. Tu vois, on va tout de suite parler de des hauts niveaux parfois. Et pas de la vie finalement des aventuriers tels que tu vas les jouer, peut-être, par exemple. Même si j'ai Alors, souffert, hein, c'est pas non plus. ouais, on va peut-être passer à la suite parce que je Voilà. crois qu'on empiète vachement sur Ça l'Isabelle marche. Noël. Ouais, c'est vrai. C'est la question de l'infodump hein, on en reparlera. Yep. Est-ce que je peux vous parler un peu de Sombre? Volontiers. Volontiers. Donc Sombre, c'est un jeu de rôle d'horreur générique qui a été conçu par Johan Sipion. Vous pouvez retrouver bah, toutes les infos sur le jeu sur le site terresétranges.net. C'est un jeu en fait que je suis depuis, je crois depuis 2007. Donc en 2007, je pense que Johan, ouais, ça faisait déjà quand même à mon avis 4-5 ans qu'il développait le jeu. Hein, enfin, il le développait, c'est-à-dire qu'il y avait une version. Je crois que quand je suis arrivé dans la machine, il n'y avait même pas de version gratuite à disposition. Il n'y avait rien, quoi. Hein, il n'y avait pas de texte. C'était vraiment encore pur développement. Et donc, du coup, j'ai vraiment s'est développé jusqu'à la version qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a paru, enfin, ça m'a paru très instructif justement sur comment on simplifie. Parce que au départ, Sombre, bon bah, qui s'inspirait de jeux d'horreur pas forcément simples, hein, il s'inspirait de l'appel de Cthulhu et puis surtout de Cult. Alors, je sais pas si vous avez déjà lu Cult, mais il faut quand même se bouffer le système. Hein, il est pas simplissime. C'est quand même un jeu, par exemple, où il faut faire des moyennes, quoi. Genre, t'as telle compétence et c'est la moyenne de tel attribut et de tel attribut, quoi. Donc, je vous raconte pas la complexité. Donc, faut quand même sortir sa calculette pour faire une feuille de perso. Et je crois que j'ai été relecteur. Bon, je peux pas vous dire si c'était sur la première version ou sur une version 1 ou 2, mais bon, sur une version quand même assez précoce. Et au début, bon. Le jeu dès le départ quand même, il y avait une volonté de simplicité. D'ailleurs, la première tagline de Sombre, c'était le jeu de rôle minimaliste, l'horreur minimaliste. Mais bon, grosso modo, il y avait 40 pages à lire hein, de tête. Et il y avait plein de trucs compliqués, quoi. Par exemple, tout ce qui était santé mentale, il fallait mettre des croix, des plus, il y avait une jauge hein, assez compliquée. Il y avait pas mal de compétences. Bon, je crois qu'à l'époque c'était déjà des compétences freeform, mais bon, il y avait une liste de compétences. Il y avait trois caracs qui étaient des jauges, dont la valeur pouvait évoluer et tout. Et en fait, bon, Johan, en playtestant, s'est rendu compte bah qu'il y avait des complexités qui freinaient le jeu, qu'il y en avait qui n'étaient pas utiles au bon fonctionnement du jeu, et qu'il y en avait qui étaient éventuellement qui desservaient le jeu. Et je crois le truc qui m'a le plus frappé et même choqué, c'est quand il a décidé de dégager les compétences. On est en 2007-2008, hein, on est bon après, à part pour les plus hype d'entre nous, on est quand même dans une époque où un jeu de rôle c'est des caracs, des compétences, quoi. Hein, pour aller à 95%, 99% des jeux de rôle qu'on connaissait, quoi. Et en fait, il se rend compte que le fait que les personnages aient des compétences, alors qu'on est censé jouer des victimes de films d'horreur, ça a invité à faire du jeu d'aventure, quoi. Parce que dès que t'as des compétences, tu vas être tenté de te sortir des ennuis avec des actions à la MacGyver, ou voire même si t'as des compétences vraiment martiales, du genre, ouais, moi j'ai pris explosif à 3, tu peux même carrément te transformer en une espèce de super-héros pulp. Et donc, ils se sont rendus compte que non seulement l'emploi de compétences bah, se complexifiait le jeu, mais en plus ça desservait vraiment son intention de jeu qui était on joue des victimes face à des adversaires vraiment dangereux, aucun perso n'est plus fort que les autres, quoi. Et donc on s'est retrouvé avec des persos qui étaient uniquement différenciés par les jauges qu'ils avaient au départ, corps-esprit, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des points en moins. par rapport à d'autres, et puis par les avantages et les désavantages, quoi. Alors par la suite, il a continué à simplifier Sombre. Je crois qu'il y avait 3 jauges, il n'y en a plus que 2. Il y avait des cartes de personnalité qui étaient en 4 niveaux, il n'y en a plus que 3, quoi. Il a fait vachement gaffe aussi au calcul mental qu'on devait faire pendant une partie. Par exemple, pour le calcul mental et au nombre de jets. Par exemple, quand on attaque à Sombre, on jette en même temps le dé d'attaque et le dé de dommage. Même si l'attaque foire, on sait les dommages qu'elle aurait fait, tu vois. Et donc, ce principe de lecture directe, eh ben ça permet d'aller plus vite, quoi. Il n'y a pas la procédure où tu fais d'abord ton jet d'attaque, ensuite tu fais ton jet de dommage. Éventuellement, le mec en face fait un jet d'esquive. Et il a aussi vachement cogité aux opérations, c'est-à-dire qu'il voulait pas de multiplication, il voulait pas de soustraction, il voulait. Et je crois même, bah, à la fin, il y a même pas d'addition, quoi. Donc il a réussi. Ça reste un jeu de rôle à l'ancienne dans le sens où il est numérique. C'est-à-dire qu'il y a des jauges à surveiller, il y a des jets de compétences. Enfin, ils sont faits sous les jauges, mais bon, grosso modo, ce sont des jets de compétences, quoi. Mais avec un jeu de rôle entre guillemets numérique, avec des seuils à des seuils avec des jets de dés en fait en roll under où on doit faire en dessous d'un certain seuil. Eh ben, il a réussi à faire des choses ultra simple et toujours cohérente avec son intention. Par exemple, à la fin, quasiment tout le monde a la même jauge, quoi. On a 12 ans en corps, 12 ans en esprit. Et en fait, cette approche minimaliste, il la justifie par le fait que, en fait, les personnages, même si on a un qui va être un biker musculeux et l'autre une bimbo anorexique, ben en fait, ces deux personnages face à Jason l'éventreur, eh ben ils sont égaux en fait. Aucun n'est plus fort que l'autre. De toute façon, quand ils se battent, ils utilisent leur dernière réserve, donc la bimbo anorexique aura finalement autant de ressources que le quarterback musclé, quoi. Donc ça m'a vraiment passionné en fait dans le développement de Sombre, c'est cette recherche de la simplicité, mais jamais gratuite, toujours justifiée par justifiée par les intentions de jeu et cohérente avec les intentions de jeu. Et on Mais en arrive en. Oui, je pense Philippe, je qu'aussi, t'écoute. ce qui est très spécifique à Sombre, c'est le nombre de playtests qui ont été effectués pour vérifier que ça fonctionnait comme il voulait que ça fonctionnait avec les simplifications qu'il a fait. C'est assez incroyable à ce niveau-là, je trouve. Ah, c'est dur. On dirait une espèce de diamant brut là qui serait taillé au fur et à mesure pour arriver à un truc tout petit mais hyper raffiné. Voilà, hyper C'est. concentré, ouais. Je crois que Et c'est ça la bonne simplicité, hein. C'est on retire tout ce qu'on peut retirer en gardant les intentions autant que Ouais. faire peut. Ou alors on simplifie aussi les intentions. Ça, c'était il y a un moment où peut-être le coup de marteau pète le diamant, c'est le risque. Heureusement, on peut toujours revenir en arrière en jeu de rôle, c'est bien. Voilà. Sachant que il a fini par avoir une approche modulaire, puisque il a aussi créé une variante de Sombre qui s'appelle Sombre Zéro, qui est encore plus simple. Dans Sombre Zéro, on n'a qu'une jauge, il n'y a plus qu'un seul type de dé, la feuille de personnage, c'est juste une tuile, une feuille de papier de 3 cm sur 3 cm. C'est fait pour jouer dans les bistrots. On n'a pas besoin de crayon, parce qu'en fait, il y a des avant des des si on a un avantage à usage unique, il suffit de plier un coin dans la tuile. Donc vraiment, tout est fait à l'économie, quoi. Et ça fonctionne très bien. On arrive aussi du coup un petit peu quand on a perdu sous la pluie, quand on joue à Sombre Zéro, à un aspect très bah où en fait le temps de parole est rarement coupé par du procédural, quoi. Bon, il y en a un peu plus qu'on a perdu sous la pluie, quoi, mais ça va être du genre, vas-y, bah fais. En fait, grosso modo, ça va être juste la phrase procédurale type dans Sombre Zéro, c'est juste fais un jet de dés. De toute façon, le joueur sait qu'il n'y a qu'un seul type de dé et que c'est uniquement généralement pour la baston, quoi. Et donc, cette économie est vraiment plaisante parce que c'est pareil, on fait des parties de. Bon, moi, Sombre Zéro, on peut jouer le premier scénar proposé pour Sombre Zéro, il est calibré pour jouer un quart d'heure, quoi. C'est hallucinant, quoi. Après, je sais que moi, j'y joue pour des parties plutôt de 1 à 2 heures. Mais un petit peu comme dans Perdu sous la pluie, généralement la fiction est ultra dense du fait que le système se fait vraiment oublier, quoi. Bah, on s'approche, ouais, au bout d'un moment, on s'approche du format finalement d'un film ou d'un épisode de série, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où le système est quasiment transparent, c'est vrai que tirer un peu plus sur la corde peut, au bout d'un moment, faire courir le risque de s'ennuyer. Enfin, en tout cas, surtout quand on est dans un mode type survival, bah, perdu sous la pluie, c'est quand même, il y a un petit peu d'horreur aussi, donc c'est pareil pour sombre. C'est, on va pas traîner pendant 3 heures des persos qui sont sur le point de mourir. Enfin, sinon, au bout d'un moment, soit on n'y croit plus, soit on se lasse, soit. La question que je me pose, moi, c'est pour Sombre Zero et d'autres jeux qui ont été réduits extrêmement dans le style des nano-jeux, les jeux poèmes, dans quelle mesure ces jeux, pour atteindre cette forme très réduite, ne s'appuient pas beaucoup sur les compétences de jeu et les habitudes des joueurs. Les joueurs eux-mêmes, ouais. Oui. Alors, dans quelle mesure on peut donner Sombre Zero à quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle et on peut dire, vas-y, maîtrise-moi une partie, est-ce que ça va donner ou pas, j'en sais rien. Je ne connais pas Sombre Zero, je connais Sombre, pas Sombre Zero. Bah, pour Sombre, la réponse que je peux te donner, c'est que l'approche se veut modulaire. C'est-à-dire que quand tu achètes le premier numéro de Sombre, tu as toutes les règles pour jouer à Sombre de base. Mais après, il manque, j'irais que clairement, dans le premier livre, il te manque, déjà t'as pas Sombre Zéro, et puis il te manque les conseils de maîtrise. Les conseils de maîtrise sont distillés dans les livres qui suivent. Mm-hmm. Donc, et pareil, quand tu joues à Sombre Zéro, un MJ qui a un peu de bouteille, il joue une fois à Sombre Zéro, il peut retourner après sur le site de Terres Étranges, télécharger les tuiles, et il peut rejouer sans avoir le bouquin. Par contre, je suis d'accord avec toi que un MJ plus débutant, il aura besoin, je pense, d'acheter tout ce qui va sortir sur Sombre, quoi. Bah, la question se pose, par exemple, au niveau du scénario. Est-ce que c'est rédigé est-ce qu'il y a des scénarios rédigés en direction des MJ débutants? Par exemple, Sombre Zéro, si tu veux, il y a un scénar. Quand tu achètes la revue 2, tu as les règles de Sombre Zéro, mais il faut avoir lu la revue 1 pour comprendre. D'accord. Parce qu'en fait, grosso modo, il dit juste les différences entre Sombre classique et Sombre Zéro. Tu as un scénario, il n'explique pas comment rédiger un scénario. Et dans le numéro 2, tu as un deuxième scénario. Alors bon, déjà, tu as deux scénarios, ça te permet de deviner comment on rédige, mais clairement, ça sera expliqué plus tard dans d'autres livres. Ouais. Donc, je pensais cette approche modulaire, ça permet aux MJ de faire ses courses, et les MJ expérimentés, ils pourront s'en sortir avec moins de matériel. Les MJ débutants, c'est clair qu'ils vont être obligés d'acheter tout le matériel qui est sorti sur Sombre, et voire même d'attendre les prochains livres qui vont sortir. Ils n'auront pas de quoi faire. Non, je pensais peut-être pas en termes de comment écrire ses propres scénarios, mais comment les scénarios sont écrits, tu sais, des fois, un peu comme des tutoriels, quoi. Genre, là, vous pourriez faire tel jet, et s'il rate, il se passerait ça, tu vois, par exemple, pour la destination des MJ. À ce stade-là, non, les scénarios sont très balisés, tu sais exactement D'accord. quel jet demander, mais tu sais exactement comment jouer le scénario. Ouais. Oui, mais tu n'as pas, tu n'as pas les outils pour en créer un toi-même. Quoi. Oui, mais moi je connais le premier livre, donc le scénario qui est donné, il est effectivement très rodé, très. On explique vraiment comment mener ce scénario-là. On n'est pas laissé pour compte. Voilà. Donc bon, du coup, finalement, un MJ débutant peut prendre en main le scénario. Effectivement, il n'y a pas de problème. C'est l'essentiel, hein, à mon avis. Ce que je vous propose, on a été très gourmand sur la partie exemple, mais bon, je pense que ce sera toujours, à mon avis, la partie la plus charnue des podcasts game design. Oui. C'est pas bien grave. Je vous propose de clôturer cette partie exemple par une petite séance de name dropping, c'est-à-dire sauf si vous aviez prévu de name dropper ces jeux plus tard dans les concepts ou dans votre synthèse, si vous avez quelques jeux qui mériteraient d'être cités, alors rapide, hein, une ou deux phrases. Comment? Bah, qui a du name dropping là sous la main? Vas-y, lâchez-vous. Ouais, j'en ai un peu. Vas-y. Donc un jeu tout récent qui s'appelle Posthuman Pathways. Bon, j'ai pas mal name droppé en anglais. Donc Posthuman Pathways, c'est un jeu de Jason Pitre, qui est un jeu en 5 feuilles A4. Où on va à 3 joueurs explorer les conséquences du progrès technique sur l'humanité, ce que c'est être un humain. C'est un jeu qui est un peu limite machine à saucisse à mon sens parce qu'on est très balisé sur ce qui se passe, mais c'est intéressant et ça tient vraiment sur 5 livrets et c'est beau. Ok, autre chose hein. On va peut-être alterner comme vous voulez. Vas-y, Vivien. Ouais. Moi, j'avais pensé à On Mighty Thews, de Simone Carrière qui est sorti justement à l'édition boîte à eux, qui est un jeu, on va dire, pour faire du sword and sorcery type Conan, etc., ou Souricier Gris, avec très très peu de règles, très simple, un gros qui servent essentiellement de partage à de la narration un peu plus lâche et qui en gros encourage le MJ en fait à laisser les joueurs être des super-héros, enfin des super-héros non, des héros type Medfan vraiment hyper balèze. Et qui a un système en plus de création de scénar sur le pouce qui vraiment, enfin, moi j'ai testé deux fois en MJ et une fois en joueur, je me suis éclaté, j'avoue, à chaque fois à ce niveau-là, quoi. Donc je le recommande pour ceux qui aiment le genre et qui sont prêts à laisser un peu de pouvoir, on va dire, aux joueurs, quoi. Alors, du coup, à mon tour, je vais citer Sous la lumière des étoiles d'Epidia Ravachol. Epidia Ravachol, c'est une des étoiles montantes de la scène Ouais. indie américaine. Hein. On lui doit Dread, notamment là, le jeu d'horreur qui se joue avec un Jenga. Il n'y a pas Sword Without Masters aussi Si, ouais, je c'est possible. n'arrête pas d'en entendre parler en ce moment de Il est celui-là. assez prolifique, mais je vais vous dire pourquoi. Sous la lumière des étoiles, c'est un jeu de rôle de space opéra avec du drama qui tient en une carte de visite. Je crois que c'est recto verso, donc recto une illustration, verso le texte. Et il a fait des suites, ce qui fait que si tu veux avoir la totale, il y a 4 cartes de visite au total. Et donc là, tu as donc tout un jeu space opéra dramatique avec ses suppléments sous forme de 4 cartes de visite. Ça a été traduit en français par Iragaël Malbos, ça c'est un des aficionados de Casus No. Et donc, on peut lui commander, je crois, pour 5 euros. Ah, pour 5 euros, tu as une gamme entière de jeux de rôle. C'est pas du rêve, ça. À toi, Philippe. Oui. Until We Sink, un jeu de rôle poème qui est paru dans l'anthologie Norwegian Style, qui est inspiré d'une BD de Sokal, entre autres. C'est un jeu qui se présente sous la forme d'un jeu de cartes. Il y a quelques cartes personnages, quelques cartes événements. Les personnages sont sur une petite île touristique qui est en train de couler. Ils attendent qu'on les évacue et le jeu commence quand un pêcheur est retrouvé mort. Et on est invité à jouer les réactions des personnages par rapport à cet événement sur cette île qui coule. Ah ouais, donc L'ambiance. c'est comme Poison de Vincent Baker, c'est un jeu avec une unique situation de départ, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais Ça doit être plus grave que Poison, hein. un système J'espère. beaucoup plus informel, oui, Ouais. beaucoup plus simple. Vivien, est-ce que tu as un petit jeu Ouais. à nous dropper? Alors moi, je voulais faire du name drop. Alors il y avait, mince, Breaking the Ice et La Saveur du Ciel que je mets un petit peu ensemble, même si c'est deux auteurs différents, Guy Carbos et encore une fois Fabien Invine, qui en un certain sens sont très simples dans leur utilisation, qui consistent essentiellement à une relation en fait de séduction entre joueur et MJ entre guillemets hein, pour simplifier. Où le principe c'est on décrit énormément et en échange on gagne des dés en fait et pour dans un premier cas jouer les premiers rendez-vous d'une relation amoureuse et dans le deuxième cas ce qui est presque aussi rare ou encore plus rare je sais pas en jeu de rôle jouer des un apprenti cuisinier en fait qui veut réussir le plat parfait qui me rappelle énormément le dessin animé japonais Le Petit Chef et d'autres références peut-être plus glorieuses de la part de Fabien et qui mérite d'être souligné en tout cas de par sa place on va dire à part dans le paysage rôlistique et Fabien avec qui j'ai déjà discuté justement des concepts de simplicité et qui se tourne vers ça de plus en plus notamment à travers ce jeu. Ouais, on retrouve dans ces deux jeux le fait que un scénario soit toujours comment soit toujours et toujours la même suite Ouais, d'événements, quoi. encadré en quelque sorte, il y a une structure un peu, mais une structure qui permet quand même, justement pour éviter que Fabien se fasse taxer de machine à saucisse, qui lui ferait de la peine, une structure qui permet quand même beaucoup de variations, quoi. Ah oui, tout à fait, ouais, c'est tout à fait. Alors, à mon tour, je voulais parler de S'échapper des faubourgs. Bon, c'est un jeu de ma modeste pomme. Autopromo. Voilà, on y va à fond, hein. Je me prive pas, je suis chez moi. C'est ça. Dans S'échapper des faubourgs, donc c'est un petit jeu de rôle d'horreur onirique. Ce qu'il faut retenir au niveau de la simplicité, c'est qu'il n'y a pas de feuille de personnage. Y a, on, si on utilise un crayon pour tout le monde en fait, parce qu'on a un plan des faubourgs qu'on peut annoter, il y a des petits pions aussi qu'on peut annoter, donc un crayon est quand même nécessaire. Il n'y a pas de dés, et en fait pour faire, chacun une espèce de rose des vents, c'est un papier qu'on peut plier pour faire les actions des personnages. Et ce qui était important en termes de simplicité, je voulais exploiter un truc. C'était suite à une discussion avec Manuel Paradox, s'il nous écoute, je le salue bien bas, au sujet de Sombre. Et en fait, j'ai voulu appliquer la simplicité au niveau de la létalité. C'est un jeu de rôle d'horreur où en fait, tu es un monstre ou tu es un PJ d'ailleurs. Ça prend juste une action. Il suffit de déclarer, je tue cette personne. Et voilà, c'est fait quoi. Ça peut pas être contredit et tout. Donc aussi une simplicité vraiment voilà, dans des procédures vraiment vraiment brutales. Et donc les choses sont pas du tout séquencées. Ça m'évoque d'ailleurs, si je me souviens, enfin, si je me souviens bien, Échapper des faubourgs, on comprend mieux une fois qu'on a imprimé. Y a un Ouais, plan à la imprimer, tout rose ça, des c'est vents, pas. ouais. Parce C'est que je sais que mieux d'imprimer le matériel voilà, pour c'est un souci que j'ai pas pour mal retrouvé parce que là, il y a eu le Game Chef 2014 sur le thème justement, ceci n'est pas un livre. Il y a eu énormément de gens en fait qui ont produit un jeu justement où il fallait imprimer des cartes, des pistes, etc. Et en tant que rôliste, on a une forte tendance à ne pas imprimer les choses. Et à lire comme un livre, comme on le fait pour tous les jeux de rôle traditionnels, et à chaque fois c'est une catastrophe quand on n'imprime pas les trucs pour comprendre. C'est assez drôle cette espèce de datavisme enfin en tout cas que moi j'ai, de lire le jeu de A à Z, comme n'importe quel bouquin en fait, alors que c'est un jeu quoi. Finalement, dans un jeu de plateau, on ouvre la boîte, on a le matos sous les yeux, là comme c'est du PDF, on n'imprime pas, on lit le truc, et du coup on se retrouve confus. Ouais, voire même il y a des parties à certains jeux de société où en fait c'est pas le cas de tous les jeux de société hein, mais certains jeux de plateau modernes où on déballe le jeu, on commence à l'assembler, et puis quelqu'un commence à lire la règle du jeu, puis on démarre tout de suite quoi. C'est clair. Philippe? Non, où on finit? Oui, Ouais, moi moi je je pense que j'ai fini hein. Ah si, si y en a un que je voulais me dropper quand même, mais je vous laisse, si vous avez peut-être autre chose. Oui, j'en ai encore 4-5. Je peux aller très vite. Alors un vieux jeu. Ami, fais-les tous d'un coup. Oui. Voilà, fais-les. Un vieux jeu qui a beaucoup misé sur la simplicité et qui, je pense, a pas mal influencé ce qui s'est passé en jeu de rôle en France, c'est Hurlement, Monsieur et Madame Bizien, où le système est tout caché et on joue avec simplement des D6, on fait confiance au maître de jeu et où les Ouais, c'est ça, les personnages. joueurs ne connaissent pas les règles en Oui, fait. et ils ne connaissent même pas leur personnage vu qu'ils commencent amnésiques. Si vous avez l'occasion de trouver un meneur pour vous faire jouer Hurlement, allez-y, c'est vraiment intéressant. Un jeu qui s'appelle, en anglais, qui s'appelle Coyote Won't Talk. Les humains disparus. On trouve renard, loup, chien et coyote. Et ils vont évoquer les humains pour savoir qu'est-ce qui était important. Est-ce qu'ils étaient bien, est-ce qu'ils étaient mauvais? Et en fait, on a un jeu qui est divisé en termes de responsabilité où le chien aimait les gens, le loup n'aimait pas les gens, le renard est neutre et Coyote, ben, c'est le trickster, donc tout le monde se méfie de lui, on ne veut pas qu'il parle. Et ce qui se passe, c'est que le renard présente une situation avec deux personnes. Le loup prend une des deux personnes et en fait le méchant humain, pourquoi les humains étaient méchants. Le chien prend l'autre ou a déjà pris l'autre et explique avec lui pourquoi les humains étaient bons. Donc on monte un bon humain et un mauvais humain. Et Coyote, qui fout le brin là-dedans, va faire les pensées des personnages. Donc il peut se placer derrière un personnage, se braquer une lampe de poche sur la figure et faire les pensées du personnage derrière lequel il est pensé. C'est un jeu un peu curieux qui se joue avec une lampe de poche et des masques animistes. C'est assez sympa. Mais ça Ouais, tient très sympa, en 14 pages. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Lady Blackbird, il y a pas mal de podcasts qui en ont parlé chez Radio Rollist. Un jeu qui tient aussi en quelques pages, une situation de départ, des personnages, des règles, et puis on est parti. C'est très sympa, ça fonctionne bien, mais il faut être en bonne forme au niveau fatigue. J'ai fait quelques parties, il y en a qui ont été fantastiques, d'autres qui se sont plantées lamentablement. Et je crois qu'il faut avoir un peu de bouteille dans ce pareil, qui n'a pas été brillante, hein. Effectivement. Ouais. Ça demande beaucoup de circonstances favorables, on va dire. Oui, et je pense que c'est un jeu qui est simple parce qu'il s'appuie sur beaucoup de choses. Si on n'est pas familier de ce genre de jeu, il vaut mieux prendre un peu de bouteille avec d'autres jeux dans ce style-là. Et des joueurs proactifs aussi. Et des joueurs proactifs, c'est absolument essentiel. L'avant-dernier, c'est Play with Intent, un jeu... Attendez, j'essaie de le retrouver, je pense que c'est Mightes Alter et Emily Kerbos. C'est un jeu... c'est pas très bien s'il n'y a pas de mécanique. Il y a des règles, il n'y a pas de mécanique. Et en gros, on décide ensemble de quelle situation on va explorer dans le jeu. Et les règles, c'est juste des règles de dramaturgie, quoi. En quelque sorte. Donc on va dire, voilà la situation qu'on va explorer, ou le propos qu'on va tenir, et voici les techniques de jeu qu'on va utiliser pour le faire. Ça demande des joueurs avec pas mal d'expérience et de maturité, mais ça peut être intéressant. J'aimerais vraiment bien essayer ce jeu, parce que ça me parle beaucoup, un jeu qui ne contraint pas les joueurs à autre chose que ce qu'ils ont décidé et leur volonté. Pour ma part, je serais presque plutôt à penser le contraire, que les jeux sans règles, enfin, c'est avec juste des règles dramaturgiques, sont idéales en fait pour les joueurs débutants. Oui, ici il y a la question qu'il y a, il faut savoir quelle démarche on va suivre, personne ne sera blessé ou je ne t'abandonnerai pas. Il faut savoir quelle technique de jeu on va utiliser en les puisant dans le jeu de rôle traditionnel, dans le Jeep Form, etc. D'accord. Donc ça, c'est... Ce jeu-là en particulier peut-être, ouais, d'accord. Oui, c'est assez particulier. Enfin, jeter un coup d'œil dessus. Et alors, le tout dernier, c'est Sphinx, jeu en préparation de Fabien Hildwine, que j'ai eu le grand plaisir de tester, où on joue Donc, on peut voir les rapports de partie sur les ateliers imaginaires. On joue des explorateurs qui explorent des ruines très anciennes et un peu fabuleuses. Et le système de jeu, c'est à base de descriptions qui sont récompensées ou payées, ou d'avantages qui sont gagnés en déplaçant des jetons d'un joueur à l'autre. Ça, c'est très chouette. Le principe de simplicité dans Sphinx, si je peux me permettre de te couper, c'est surtout qu'on a une intention de jeu. Grosso modo, on a des explorateurs avec des questions métaphysiques et on explore des ruines qui ont un peu les réponses, quoi. Et en fait, le système de jeu, là, de dons de jetons qui récompense des descriptions, des actions des joueurs ou des inventions des joueurs, ne fait que récompenser ça, quoi. Il ne récompense que ce qui a trait à l'intention de jeu. Et en fait, tout le reste n'est pas techniqué. S'il doit y avoir de la baston, c'est pas techniqué, quoi, parce que c'est pas dans l'intention de jeu. Donc c'est vraiment, lui, il se base en j'ai une intention et je fais des règles que pour ce qui suit l'intention. Tout le reste est non techniqué. Tout à fait, c'est un jeu qui est très épuré, et je pense, je me demande, c'est la réflexion que j'ai pour le moment, s'il n'est pas arrivé à créer quelque chose qui n'a pas pu être exploré pour le moment par un autre média à ce niveau-là. Vraiment quelque chose de très spécifique au jeu de rôle, dont j'attends avec impatience qu'il sorte. Vivien, je sais pas si t'avais du name drop. Alors, si, en fait, je voulais évoquer aussi le mouvement freeform qui commence à être justement le truc à la mode, on va dire, j'ai l'impression, en termes de jeu de rôle. C'est-à-dire une espèce de. C'est tout un mouvement qui prône un jeu normalement à mi-chemin entre le grandeur nature et le jeu de rôle, avec des règles extrêmement simples, voire limite absentes. Je pense notamment à The Climb de Jason Morningstar, alors qui est très compliqué à mettre en place parce que ça demande quand même trois tentes, un talkie-walkie, un poste pour mettre du son, etc. Mais c'est tout. Après, les règles, c'est des feuilles de personnages un peu type GN. Voilà, vous êtes un tel. Et l'idée, c'est un groupe d'alpinistes, par exemple, qui doit décider en trois quarts d'heure lesquels d'entre eux monteront jusqu'au sommet et lesquels devront rester en arrière. Et c'est ensuite que du dialogue avec une date limite. On a joué aussi à Amid and Less Quiet de Ben Lehman, où là c'est un vaisseau qui est en train de se crasher et l'intelligence artificielle doit décider lequel des passagers elle va comment dire sauver. Quand tu dis freeform, c'est-à-dire qu'on joue en pseudo-GN, Contrairement au GN, il n'y a pas besoin de lieu théoriquement. Alors The Climb, c'est encore un peu plus élevé parce qu'il faut quand même des tentes, mais Et The Climb, par exemple, ça reste du jeu de rôle parce qu'une fois que vous quittez la tente, en fait, vous passez en mode méta-jeu. C'est-à-dire que ceux qui quittent la tente lisent un nouveau fichier qui leur apprend les règles et décident de, et déterminent ainsi ce qui se passe une fois que ils ont commencé à monter vers le sommet. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un jeu, bah, je ne sais pas comment ça se passerait dans un GN, mais concrètement, on ne demande pas aux gens, en tout cas, de faire de l'escalade pour déterminer s'ils réussissent ou pas, quoi. Complètement, ouais. Donc il y a un mélange, voilà, GN, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles, on est dans la discussion en temps réel avec son personnage. Et en même temps, il y a des règles de jeu qui interviennent de façon, comment dire, sporadique, et qui viennent quand même, on peut quand même rentrer dans l'esprit du personnage, faire une ellipse, enfin profiter des bienfaits en fait du jeu de rôle. Dont le GN ne bénéficierait peut-être pas, et en même temps être plus dans l'incarnation du personnage, ce que le jeu de rôle peut faire moins, par exemple. Voilà. Okay. Et ceci avec des règles extrêmement simples, et ça séduit, ça peut séduire énormément de personnes, justement, notamment des gens qui font pas beaucoup de jeux de rôle, qui considèrent justement que les règles, c'est une espèce de délire entre nous qui vient complètement bousiller l'immersion, quoi. Autre chose, Vivien? Non, je pense que ça fait déjà pas mal. Alors moi j'avais un tout petit dernier à citer, c'était Monostatos de Fabien Ilvine. Ce qui est fascinant dans le jeu, puis en même temps troublant, c'est que donc on a une intention de jeu où grosso modo on joue des rebelles qui vont péter la gueule à Monostatos, qui est un dieu qui nivelle tout, qui impose le conformisme. Et en fait, dans le jeu, tu peux jouer un seul type de scénario, c'est tu joues des rebelles qui vont aller péter la gueule à Monostatos, quoi. Et y a tout un univers, enfin, le monde désertique de Monostatos qui est vraiment fascinant. En plus, bon, Fabien a vraiment une très belle écriture, hein, c'est pas le problème. Mais le reproche qu'on peut faire à Monostatos, enfin, tu peux pas. Fabien, il a cette intention de jeu et elle est respectée dans le bouquin, mais vraiment, clairement, tu vois que tout ce qui n'est pas l'intention de jeu est complètement passé sous silence. Tu peux rien. Tu utilises les règles de Monostatos, tu ne peux que faire des scénarios où tu joues un rebelle, tu vas péter la gueule à Monostatos. Tu peux pas explorer le désert, tu peux pas avoir d'autres types d'intrigues et tout. Et ça peut frustrer certains joueurs qui seraient intéressés par l'univers désertique de Monostatos, mais qui pourrait pas l'explorer sous un autre biais que l'intention de Fabien. Donc la simplicité du jeu de Fabien, elle se situe vraiment dans son intention de jeu ultra ciblée, et ça tranche avec d'autres jeux à univers où généralement t'avais un univers étendu, bon, qui donnait un petit peu qui donnait un ton généralement. Enfin, L5R par exemple, c'est un univers étendu, mais il y a un ton qui est clairement donné. Mais où tu peux vraiment jouer une gamme de situations ultra variées, voire même infinies, tandis que dans Monostatos, la gamme de situations est volontairement bridée. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui peut aussi, c'est non seulement l'idée qu'on ne puisse pas faire forcément le même scénario, mais c'est aussi l'idée qu'on est forcément dans la peau de quelqu'un qui se rebelle contre l'autorité, etc., etc. Il y en a qui peuvent aussi reprocher ce côté militant à peut-être l'accuser de simplification à outrance, etc. On peut pas jouer un défenseur de Monostatos, par exemple, ou à quelqu'un qui dit que c'est pas bien de péter. Non, c'est à partir du moment où tu te rejoins à son avis, tu quittes le jeu, en fait. C'est une façon faire mourir ton personnage. Ouais. C'est-à-dire que ça impose. On parlait justement, par exemple, de Apocalypse World tout à l'heure, qui discrètement faisait glisser certaines thématiques. Pour le coup, Monostatos est beaucoup plus revendicatif, quoi. Après, le jeu est réussi dans le sens où c'est l'intention de Fabien. Donc oui. Le jeu remplit parfaitement l'intention. Après, c'est l'intention qui peut être... On peut avoir des regrets vis-à-vis de cette intention, et justement avoir des regrets en se disant qu'on aurait pu vouloir explorer l'univers autrement, quoi. Et puis, c'est quand même le premier jeu de Fabien, donc il évolue aussi, et c'est quand même une sacrée réussite, on va dire, pour... Mais c'est un concept et un format aussi, dans le sens où, à mon avis, enfin, je peux me tromper, Monostatos, moi je me vois pas y jouer plus d'un one shot ou éventuellement une campagne, mais c'est tout, quoi. C'est aussi un parti pris qui est de dire un jeu de rôle, c'est pas forcément fait pour jouer toute une vie, quoi. C'est clair que effectivement, si tu prends Shadowrun, tu peux jouer toute ta vie à Shadowrun, il y aura toujours des trucs à faire, quoi. Mais l'idée, c'est de proposer une approche différente, une approche plus centrée, moins série, plus long métrage, voire court métrage, quoi, et de montrer que ça a un intérêt aussi. Ouais. Je pense que c'est un des concepts de simplicité appliqués aux intentions de jeu. Pour faire un jeu très simple, simplifions aussi les intentions. On ne va faire qu'une chose. Ouais. Et si on veut faire autre chose, bon, on va faire un autre jeu qui sera simple aussi. Voilà, ça se trouve, il y aurait moyen de faire. Par exemple, tu vois, dans Monostato, ce qui paraît marrant, c'est qu'il y a sans doute plein de ruines dans le désert à explorer. Bah, du coup, si tu veux jouer ça, bah, il faut utiliser son autre jeu qui est Sphinx, quoi. Ah oui, effectivement, ça pourrait être un crossover. Le Fabien Multivers. Juste pour finir avec ça, moi c'est pour ça que j'ai fait trois jeux pour jouer dans Millevaux en fait. C'est-à-dire que plutôt que de faire un seul jeu qui avec toutes les intentions que je voulais, j'ai découpé en trois intentions et en trois jeux parce que les intentions étaient suffisamment contradictoires pour que ça fasse gloulou-boulga de toutes les regrouper dans un seul jeu quoi. J'aime pas par exemple, j'aime pas les jeux où on te dit oui, tu peux jouer des super-héros mais en même temps tu peux jouer de l'horreur la plus pure. Tu dis bah comment c'est possible de jouer à la fois aventure et horreur dans le même jeu quoi. Bah Moi je c'est parce préfère que avoir un jeu où tu joues des super-héros et un jeu où tu fais de l'horreur à fond quoi, même si bah c'est c'est dans parce le même univers. que dans les jeux traditionnels, finalement, le scénario compte à 50%, voire même plus, dans le système, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, puis à faire des jeux qui veulent tout faire, on a des jeux aux règles un peu molles qui permettent tout mais ne font rien vraiment bien. Ouais, Oui, et du bon coup, après, le gros boulot du MJ traditionnellement. pour adapter, quoi. Ou alors une complexité, comme dans l'Appel de Cthulhu, où il y a trois modes de jeu, selon que tu veux jouer horreur, aventure, du coup, t'as Ou pas le alors même nombre de points ça. d'activation. C'est trois jeux avec un cœur commun qui sont publiés dans le même Voilà. livre. Oui, mais alors ça, je suis pas convaincu par contre par les trois modes de l'appel de Cthulhu. J'ai l'impression que ça fait vraiment trop calqué pour le coup, plaqué Bah, sur moi, un ça me système. paraît jouable. C'est quelque chose qu'on faisait déjà à nos tables avant que ça sorte, parce que c'est sorti que dans l'édition 6. Et non, c'est assez malin. Quelque part, c'est assez élégant, en fait. De se dire, bah ouais, bah écoutez, si vous voulez savater du grand ancien à coups d'explosifs, bah il n'y a pas de problème. Vous mettez à donf de points de création, et puis roule ma poule. Et puis vous avez l'aplomb là qui permet de perdre moins de santé mentale. Si par contre vous êtes vraiment dans l'appel de Cthulhu où on joue des sous-merdes de toute façon qui vont mourir ou devenir fous au bout d'une heure, eh ben vous jouez avec ce mode-là où vous n'avez pas beaucoup de points de création, vous pouvez pas empêcher les pertes de santé mentale. Quelque part moi je trouve ça très élégant. Est-ce qu'on peut passer au concept? Bon je pense qu'on a déjà un petit peu empiété dessus, mais c'est pas bien grave. Vivien, il me semble que toi, t'avais comme concept, est-ce que tu peux me rappeler? La différence en fait entre simplicité et élégance. Je trouve que ça fait très bien la transition avec ce qu'on disait. D'accord. Donc je rends à Jérôme Larrey, donc qui devait être parmi nous, la primauté en fait de ce concept, mais bon, du coup, comme il n'est pas là, je vais un peu l'aborder, sans doute de façon différente, en tout cas peut-être moins complète que ce qu'il aurait pu faire. Si tu permets, il avait un petit comment? Il avait écrit quelques notes. Est-ce que tu veux que je les lise là en introduction de ton petit topo? S'il a des notes lisibles, oui, pourquoi pas. Ouais. Alors. Bien, en fait. Tac, tac. En fait, il disait qu'il y avait une différence entre simplicité ludique, simplicité sur la forme, ce qu'il appelle le minimalisme, et accessibilité. Et par exemple, il disait que Ghost Echo, qui est un nano game de John Harper, celui qui a fait Lady Blackbird. C'est un jeu minimaliste. Il est guère complexe d'un point de vue ludique. Bon, c'est un jeu qui fait 3 pages. J'en parlerai plus en détail plus loin. Mais il est D'accord. certainement pas simple à comprendre à la lecture pour quelqu'un qui connaît pas Apocalypse World et Overkind, parce qu'en fait, c'est un hack de ces jeux, quoi. Et clairement, le jeu fait l'économie de réexpliquer c'est quoi un move et tout. Ouais. Voilà. Il dit aussi que la notion de simplicité a des limites. Et que ça amène des dérives parce qu'on la confond avec l'élégance, justement. Et donc, il dit qu'en fait, on peut faire un jeu qui soit simple mais qui soit pauvre. Oui. Ou alors, on peut, en tant que joueur, on peut dénigrer un jeu parce qu'il est complexe mais qu'en fait, ça cache une vraie richesse. Il parle aussi de notions d'apprentissage. Bon, c'est sans doute qu'il signifie que certains jeux, que la complexité peut être admissible si en fait on peut l'apprendre tout en jouant, quoi. Et aussi, Alors, il a prévu quelques pistes pour réduire la complexité sans perdre en richesse, ou du moins pour transférer la complexité. Alors, malheureusement, ces notes s'arrêtent là. On ne saura jamais ce qu'il voulait dire. Ah non, mais Je l'ai si vu dans jamais certains il articles qui mourait parlaient des écrasé budgets par de la forêt, un complexité. testament, une espèce Voilà. de truc mystérieux, on saura jamais ce qu'il avait voulu dire par là, et il avait peut-être trouvé le secret, en fait. D'accord. Il en savait trop. Il en savait trop, elle est. Bah, globalement, effectivement, bon, il a pas mal, je pense, pour le coup, des frichés. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé effectivement de Burning Wheel, qui, pour moi, est la preuve que un système, effectivement, qu'il y a des bons systèmes complexes, bon, qui a des défauts, hein, je vais pas non plus dire que tout est parfait, mais que globalement, il y a des systèmes qui, si on leur donne, enfin, si on, qui récompensent l'investissement, voilà. C'est-à-dire qu'ils vous rendent ce que vous leur donnez, quoi. Vous travaillez dessus et, il y a d'autres jeux où, par contre, j'ai plus l'impression, beaucoup de jeux, surtout, enfin, pas mal de jeux anciens qui ont pas mal, multiplié en fait les modificateurs, les bonus, les malus, les calculs inutiles, genre les moyennes à faire. Enfin, je me souviens de la gamme des jeux dits FGU, genre Vigilance and Vigilance et tout ça. Il y avait des calculs à faire avec des 30 décimales derrière le premier chiffre. Bon, ok, on faisait ça à la création, mais on n'y gagnait rien en fait. Ça avait aucun intérêt finalement à connaître ça, quoi. Ça, c'était l'inverse. Et à l'inverse, effectivement, il y a aussi des jeux qui sont complexes, mais qu'on pourrait qualifier d'élégants. Alors moi, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Alors c'est clairement pas Burning Wheel parce que Burning Wheel c'est touffu, on peut pas appeler ça élégant, ça part dans tous les sens, on dirait une espèce de Frankenstein monstrueux. Mais je pensais plutôt à Donjons et Dragons 4 et à Marvel Super Hero, qui est la version éditée par ceux qui ont fait le Cortex. Margaret Weiss. Voilà, Margaret Weiss, qui pour moi sont deux exemples type en fait d'élégance mais de complexité. C'est-à-dire que DD4 repose sur une base assez simple, qui est vous jetez un D20, vous ajoutez un score et ensuite vous faites des dégâts, vous enlevez des points de vie et si l'autre arrive à zéro, vous l'avez vaincu. Mais qui rajoute dessus tout un tas d'options, c'est-à-dire chaque personnage est défini selon un certain nombre de pouvoirs, les pouvoirs peuvent être reflétés sur des cartes, un peu comme un jeu genre Magic ou quelque chose comme ça. Les monstres eux-mêmes ont des petites réactions qui se déclenchent si on les tue, si on se met à côté d'eux. Enfin, il y a beaucoup de trucs, mais la base reste simple et je trouve qu'il y a une vraie élégance dans la mesure où, par exemple, tous les pouvoirs sont à peu près, comment dire, configurés de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau système à chaque fois, quoi. On reste quand même sur des bases communes, tout en réservant un grand nombre de possibilités. Ça, pour moi, ce serait un peu peut-être la définition de l'élégance, c'est-à-dire, enfin, de l'élégance pas simple, c'est-à-dire, voilà, des bases sur lesquelles on travaille, on met beaucoup de possibilités, mais faut quand même les connaître, quoi. Je sais pas si vous avez déjà joué à DD4. Hein. Non, mais à Marvel, oui, et je confirme tout à fait. Voilà. En Marvel, effectivement, pour le coup, la base est très simple, c'est-à-dire que votre feuille de personnage, vous avez, par exemple, est-ce que vous travaillez bien? Un certain score en travail d'équipe, un certain score en travail solo, un certain score en duo, puis un score lié à votre compétence, puis un score lié à votre pouvoir. Vous prenez un dé chacune de ces catégories, vous les lancez, et vous sélectionnez en fait celui qui vous permet de réussir et celui qui vous permet de faire un effet, ce qui serait l'équivalent du jet de toucher et du jet de dégâts à Donjons et Dragons. Et sur cette base-là, il y a tout un tas de petites possibilités qui permettent de rajouter un dé d'effet, donc de faire plusieurs actions, de rajouter un dé d'attaque, donc pour toucher mieux. Vous pouvez utiliser ça aussi bien pour faire du dialogue que pour faire de l'action, ou pour faire, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, dialogue, action, et par exemple jouer aux échecs, j'en sais rien, vous utilisez le même système. Par contre, après, il y a des systèmes de points d'héroïsme pour ajouter des dés. Si l'autre fait un 1, vous avez une possibilité pour rebondir. Enfin, c'est hallucinant le nombre de possibilités qu'il y a, mais elles sont toutes basées sur ce principe assez simple et toutes applicables à tous les conflits. Si je peux me permettre, je ferais bien un parallèle avec Shadowrun, notamment 4, qui est loin d'être un jeu simple. Il m'a fallu un fichier Excel pour créer mon perso. J'ai mis 8 heures à créer mon perso. Ça a été vite. ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont fonctionne le système de jeu, c'est que c'est fractal en fait. Alors, grosso modo, tout le système, c'est juste une base de, on jette des boîtes de D6, quoi. Et en fait, tout du hacking jusqu'à jusqu'à l'effet d'un implant cybernétique, tout est en fait lié à ce schéma de base qui est on additionne des D6. Il n'y a pas de jeu dans le jeu. Enfin, on change jamais de format de dés, on change jamais de mécanique et tout. C'est juste des cas particuliers, mais c'est toujours relié à cette notion de on ajoute des D6 les uns aux autres. Et donc c'est vraiment ce que j'appelle ça, pour moi c'est une mécanique qui est fractale quoi. C'est-à-dire c'est toujours la même image qui est dupliquée, enfin qui est, on passe de plus en plus à la loupe, mais c'est toujours au final le même schéma. Effectivement. Alors après, moi, j'avoue que quand on me dit Shadowrun, enfin, j'ai fait quelques parties, j'ai essayé plusieurs fois de comprendre les règles de Matrice. J'ai cru que j'avais mon cerveau allait exploser. Donc, clairement, c'est pas le jeu que personne, à titre personnel, j'associe à l'idée ni de simplicité, ça c'est sûr, ni vraiment d'élégance. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de sous-rubriques, même si ça se basait toujours sur des D6, en fait. Ce sont toujours des applications différentes du même cœur de système de résolution. Et c'est vrai que les Ouais. règles, si on compare, si on veut passer du système pour la matrice au système pour la magie, c'est deux sous-systèmes complètement différents et il faut les Il y a quand même connaître des les vrais deux. sous-systèmes, ouais. Il y a une histoire de dans un cas, tu vas te prendre un retour de flamme que tu dois gérer. Dans l'autre, la matrice, c'est des programmes que tu vas choisir. Enfin. Maintenant, il y a tout à fait moyen de prendre son pied à manipuler ces systèmes-là. Ah oui, non, mais c'est en tout cas certainement pas le propos, enfin en tout cas c'est jamais mon propos de dire que ceux qui s'amusent avec ça, c'est mal, quoi. C'est Ouais, juste moi on est mon bien kiff. d'accord. Tout à fait. Donc je sais pas, Thomas, toi qui connais peut-être un peu mieux Shadowrun. Je connais pas à fond, mais ça reste quand même. Ils ont, ça reste plus simple qu'avant, et c'est, disons que ça fonctionne. Du moment que tu prends le temps de comprendre comment ça marche, ça fonctionne quoi. Ça reste un jeu qui est tout sauf simple, Ah là, mais pour le ils coup. ont quand même, il y a, moi je trouve il y a cette idée brillante et que je retrouve pas partout. D'avoir quand même c'est un unique à la base un unique schéma de résolution qui permet de tout gérer et je sais quelque part moi je m'en suis inspiré pour Inforenza bon de d'autres aussi en se disant que on allait tout gérer avec un seul type de conflit que ce soit des réalités virtuelles que ce soit des dialogues que ce soit des combats que ce soit tout type d'épreuves pouvaient être gérées par une seule mécanique unifiée quoi. Bon Je après par pense contre que tu vois. je me suis abstenu effectivement de faire tout un tas de fractales comme le fait Shadowrun quoi par contre. Je pense que je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a un cœur de système de résolution qui a déjà une certaine complexité, et ce qu'on change, c'est juste les câbles qu'on raccorde dessus. Et il faut bien retenir quel câble on raccorde pour la matrice, et quel câble on raccorde pour la magie, et quel câble on raccorde pour le combat et quel câble on raccorde pour une exploration et tout ça. Il y a à chaque fois un paquet de câbles à raccorder, mais c'est toujours la même chose à la base. Bon, c'est un peu comme ça Alors, que je le vois. ouais. Philippe, je me permets de t'interrompre parce que je viens de voir Brand se connecter. Il avait dit qu'il prendrait peut-être le podcast en marche. Est-ce que tu nous entends, Jérôme? Oui, très bien. Désolé pour l'interruption, le Yay! retard. Bonjour. Salut. Et bonjour. Ben, merci beaucoup en tout cas de te joindre à nous. On était justement en train de parler de l'élégance. Et donc, je m'étais permis de citer tes notes sur D'accord. le sujet, le fait que tu faisais la différence, il me semble, entre la simplicité et l'élégance. Je sais pas si tu as un mot à rajouter là-dessus. En fait, je sais pas trop ce que vous avez évoqué déjà, donc j'avais un On peu a comme. évoqué Shadowrun, c'est dire où on en est, hein. Pardon? Excuse-moi, je t'ai pas entendu en fait. J'ai dit, on a évoqué Shadowrun, c'est dire où on en est, D'accord. en termes de simplicité et d'élégance. Ouais, Shadowrun, c'est peut-être pas le meilleur exemple en termes de simplicité, effectivement. On allait passer à Rollmaster, mais si tu veux. Rollmaster plus déjà. Ah. Pour faire rapide, le principe de l'élégance, en fait, c'est que c'est un ratio entre la richesse du jeu et à quel point les règles sont complexes. Complexe au sens lourd à gérer. pour reprendre l'expression de TF1, c'est l'espace de cerveau disponible que ça occupe. Et grosso merdo, si on peut répartir les jeux entre quatre grandes catégories, les jeux qui sont à la fois riches et complexes, les jeux qui sont riches et simples, ça c'est la meilleure catégorie, on va dire. Ceux qui sont relativement peu riches et simples, ce qui reste raisonnable, et ceux qui sont relativement peu riches et complexes, et qu'en général, ils vont mieux fuir comme la peste. Et souvent confond donc l'élégance et la simplicité. Le souci de faire ça, c'est qu'on va privilégier des jeux qui sont simples, quitte à ce qu'ils soient finalement pas très riches, qu'on s'en lasse vite fait, qu'on ait du mal à jouer avec, ou avoir beaucoup de choix en fait en s'en servant. Et on se trompe un peu de priorité. Par exemple, un jeu comme je sais pas, comme Pathfinder ou toutes les versions DD, on peut en dire tout le mal qu'on veut, mais ce sont des jeux qui sont où on apprend tout le temps des trucs en fait. Au fur et à mesure des niveaux, on continue à jouer, on continue à avoir de nouvelles choses, et il y a toujours un intérêt pour continuer à jouer. D'un point de vue mécanique. Après, bien sûr, ça dépend de ce qui se passe en jeu, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair du coup. Si, si, La notion d'apprentissage, quoi. Il y a une courbe d'apprentissage dans ces jeux qui fait que la complexité, elle est répartie dans toute la durée du jeu, quoi. Alors, effectivement, ouais, on peut le répartir comme ça. Il y a des jeux qui la. Il y a plein de façons de réduire cette complexité, de la redistribuer, en fait. Je sais pas, j'ai Ambre en tête, hein, où il y avait toute une partie des tâches du MJ, en fait, qui était redistribuée aux joueurs, via des points de karma. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Ah ouais non si vaguement c'est on pouvait avoir du karma négatif pour avoir plus de points et En fait, l'idée c'était que tu puisses donner des. Tu as un joueur par exemple qui s'engage à faire les comptes rendus de partie systématiquement, et en échange, son personnage a X points de création en plus. Ouais ça ouais parce que le karma c'était autre chose, c'était la malchance, tu pouvais gagner des points en plus à la création mais En fait, c'était lié. C'était à la fois la malchance et l'expérience. Et donc c'était libellé sous la forme de points de karma, mais ça revenait à être 10 points de création en plus, en fait. Et pas mal de groupes le faisaient un peu différemment. Et par exemple, au lieu de donner un nombre fixe, donner un point par compte rendu fait, par exemple. On le retrouve aussi dans d'autres jeux, notamment des jeux d'initiation. Où en fait les règles vont être plus ou moins réparties à la table. La gestion de qui doit gérer, je sais pas, l'initiative par exemple. Oui. Oui, on peut aussi penser à Apocalypse World qui redistribue en mettant une partie des règles sur les feuilles de personnages des joueurs, finalement. Exactement. Exactement. Ouais. Tu as ça, tu as cette complexité qui va être sur Apocalypse World, c'est un peu spécial, bah c'est du design par exception, donc tu vas avoir t'as la règle de base que tu utilises tout le temps, et après ça va être que des cas particuliers. Donc tu as jamais besoin de t'embêter à tout apprendre. Par contre, le défaut, c'est que dès que tu joues longtemps, tu te retrouves à gérer des quantités d'actions dans tous les sens. Et très vite, bah, tu oublies de te servir de tout, parce que même les joueurs l'oublient en fait. Sinon, il y a aussi DD4 qui remet les pouvoirs sous forme de cartes dans les mains des joueurs et à eux de se débrouiller avec leurs pouvoirs et le MJ lui gère ses monstres. Et... Exactement, ouais, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Il y On en parlait de la a courbe de plein d'autres. progression, comme tu disais, qui est comme dans DD3 ou Pathfinder, quoi, qui gagne des pouvoirs au fur et à mesure de sa connaissance du jeu, quoi. Oui, tout à fait. Et souvent dans les autres types de jeux, on a le principe des jeux qui sont enfin qu'on apprend d'un instant, ou je sais plus quelle est la formule, ou en une partie, et qu'il faut toute une vie pour maîtriser. Souvent on en Sit parle and pour le play, Go, par exemple. je sit and play, tu veux dire? Non, c'est encore différent en fait. C'est les jeux où pour commencer à jouer, t'as besoin de rien. Tu vois, on t'explique le principe Magic, par exemple. Magic, c'est un jeu où la base, on va te l'apprendre de façon super facile. Tu vas avoir des spécificités selon les phases, l'ordre des phases qui peuvent être un peu chiantes. Enfin, je dis ça, mais ça doit faire 15 ans. En tout cas, c'était comme ça. Et par contre, si tu veux vraiment y jouer de façon pro, entre guillemets, va falloir que tu apprennes les cartes, le contenu de chaque carte, etc. Et pour commencer. Magic, d'ailleurs, c'est un autre exemple de design par exception comme Apocalypse World, où chaque carte a sa propre complexité, en fait. Et la complexité, elle est reportée sur les cartes. Bah, je me trompe peut-être, mais il me semble que Dungeon World, quelque part, il réconcilie les deux, dans le sens où est-ce que je me trompe si je dis que les moves des personnages et de tout l'équipement et tout sont mis sous forme de cartes, justement, pour revenir à un exemple plus jeu de rôle. Dans la version française, c'est exact. Dans la version Ouais, c'est anglaise, ça. c'est un livre de jeu de rôle tout à fait traditionnel. Avec des playbooks quand même, hein, comme Apocalypse World. Oui, mais qui Non? sont sensiblement plus gros parce qu'il y a quand même les sorts des prêtres, des mages, etc. Ouais. Mais c'est. Enfin, oui, c'est exactement ça, juste c'est. Le fait que ce soit des cartes ou sur des livrets ou des choses notées, ça revient un peu au même en termes de partage de la complexité, quoi. Ouais, tout à fait. C'est à chaque joueur de savoir les règles qui concernent son personnage, notamment dans Apocalypse World, le mec qui joue le Céphale n'a aucun besoin de connaître les règles sur ce que peut faire le biker, quoi. Tout à fait. Et si je peux rebondir là-dessus, il y a souvent un prix à la simplicité, et le fait de redistribuer ces choses, ça veut dire que le maître de jeu n'a pas nécessairement la main sur ce que vont faire les personnages, surtout au début du jeu, où il connaît mal leurs actions. Et dans Apocalypse World, les résultats des actions sont garantis. On doit appliquer ce qui est marqué, pas question de s'en détourner. Donc ça empêche un style de jeu traditionnel avec un scénario préparé, parce que le maître de jeu ne sait pas nécessairement ce que les joueurs vont pouvoir faire. Et une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Je me permettrai de citer une expérience personnelle. J'ai déjà maîtrisé une campagne de Vampire la Mascarade sans avoir jamais lu les règles. J'avais des tout petits fonds de joueurs, quoi, mais en fait c'était mes joueurs qui connaissaient les règles, puisqu'ils étaient soit MJ, soit ils avaient une grosse expérience du jeu. Et en fait c'était les joueurs qui me disaient, par exemple, moi j'aurais fait rencontrer un Tréméré, c'est les vampires magiciens, donc en plus je pense qu'il y avait pas mal de règles liées à ça. Et c'est eux qui m'ont expliqué ce que l'adversaire était censé pouvoir faire et tout. Et donc en tant que MJ, j'avais aucune connaissance des règles. Je suis pas sûr que jouer comme ça réduise tellement la complexité, par contre. Enfin, ça dépend ce que tes joueurs exigent de toi derrière, quoi. Bah moi disons que ça me permettait de me concentrer sur l'intrigue quoi. Je fournissais l'intrigue et toute la partie technique était gérée par les joueurs quoi. Après fallait des joueurs, je dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois parce qu'il faut quand même des joueurs vachement fair-play hein. Ouais. Oui, une expérience un peu entre celle que tu proposes et un jeu de rôle traditionnel. J'ai fait avec une amie quelques parties d'Agon. Elle voulait commencer à maîtriser un jeu et a choisi Agon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les règles n'étaient pas géniales, mais elle voulait les respecter. Donc je me chargeais de tout ce qui était règles et elle se chargeait de tout ce qui était intrigue. J'étais vraiment conseiller technique et arbitre et elle se chargeait d'animer le monde. C'était intéressant, pas trop mal comme expérience. Ce qu'on trouve aussi très, très, très traditionnellement pour limiter en fait la complexité, la morceler, il y a tout simplement la limiter dans le temps. Ce que font la plupart des jeux avec les niveaux, mais ce qu'on retrouve aussi sur les jeux avec des gammes de suppléments, où tout comme les premières boîtes de donjons qui étaient réparties par niveau. Mais c'est aussi quelque chose qu'on va faire dans certains jeux. Tout à l'heure, on parlait d'Apocalypse World sur la première séance par rapport aux séances suivantes, des choses comme ça. On Tout ce peut qui est règle avancée. tout à fait apprendre le jeu progressivement. Il y a énormément de jeux, enfin, ça se fait peut-être moins maintenant, je sais pas, je me souviens en tout cas enfin, d'il y a 10 ans ou 10-15 ans, les suppléments mettaient souvent en avant justement des règles additionnelles comme un argument de vente entre guillemets, quoi. les nouvelles, nouveaux, les règles d'herboristerie, les règles de machin, les règles de, etc. Tout à fait. Alors, je vais me permettre de faire un petit point comment sur l'avancement là. Alors là, il est midi et demi. L'idée, c'était qu'on finisse à 13h. Je fais le point aussi pour Jérôme qui prend le train en marche. Donc on en était à la deuxième partie, on présentait des concepts. Donc là, Vivien t'a présenté l'élégance, et puis entre guillemets, Jérôme il a fait la bouture, quoi. Vous avez un peu traité le thème, le concept à deux. Ouais, Donc oui, et puis ensuite. j'aime bien l'idée du ratio entre richesse et simplicité, quoi. Ça résume Voilà. assez bien. Je pense je vais laisser Brand conclure là-dessus puisque j'ai une question à lui poser. Et ensuite, on va passer à comment moi, je voulais parler des nano games. Je vais le faire d'abord parce que ça fait plutôt le lien avec l'élégance. Ensuite, Philippe a voulu parler d'un principe de jeu qui s'appelait le player facing. Et après, on passera à la conclusion, quoi, parce qu'il nous reste qu'une demi-heure, donc il faut que je condense un petit peu, quoi. Ouais, 3 quarts d'heure si vraiment on est gourmand, mais pas plus, quoi. Ouais, vaut mieux se limiter. Ok, donc oui, juste pour conclure sur l'élégance, Jérôme, je t'ai déjà vu parler, enfin je crois que c'est une notion que tu reprends d'un autre game designer, de budget de complexité. Oui, alors ça vient de Monte Cook en fait. C'est D'accord. quelque chose avec lequel moi je suis pas forcément très familier, mais j'aimais bien son explication. Je pense que c'est plus facile à faire sur des jeux comme ceux sur lesquels lui travaille, c'est-à-dire des jeux qui touchent un public phénoménal, puisque Monte Cook, c'est Ludange, c'est alors j'arrive jamais à le prononcer, Numenera, Numerena. Numenera, ouais. Ouais, j'y étais presque. Numenera. Enfin, en gros, vous prenez les syllabes et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Il y en a une combinaison qui sera la bonne. Et lui expliquait qu'en fait, il voyait donc la complexité comme un budget. C'est-à-dire qu'il pouvait se permettre de faire des jeux qui aillent jusqu'à un certain niveau de complexité, jusqu'à ce que les joueurs saturent. Et c'était à lui de les mettre aux endroits qu'il jugeait les plus importants pour le jeu. Et il pouvait se permettre d'avoir un combat, par exemple, relativement complexe, ou je sais pas, ou une phase d'exploration relativement complexe, si à côté, au global, ça se tenait. Il y avait aussi cette logique un peu de ratio, de rentabilité, entre guillemets, de la complexité. Je pense que quand on bosse sur des jeux qui sont moins grand public que les siens, on est, enfin, les, on s'adresse, on peut s'adresser à des publics, soit spécialistes, soit pour l'initiation, soit choses comme ça, donc ça varie quand même pas mal, quoi. Ouais, du coup, on en revient à l'idée que pour calculer son budget de complexité, quelque part, il faut voir à quel public on s'adresse, quoi. Ouais, moi enfin, je trouve ça extrêmement abstrait, j'ai un peu du mal à m'en servir. J'aime bien le principe. Je trouve clair qu'on doit expliquer des choses. Je trouve à utiliser, je m'en suis jamais trop servi. Bon, je pense que ça se fait de façon instinctive, c'est pas chiffrable, j'imagine, quoi. Sans doute, je sais pas. La complexité, je pense pas que ça se mesure. Enfin, je suis pas un théoricien du chaos, mais ça paraît difficile à le mettre en chiffres, c'est plutôt au feeling, quoi. Moi, je sais que sur mes jeux, j'ai tendance, par exemple, à mettre un point de vue très très micro, très rarement des modificateurs qui sont de l'ordre de, qui sont supérieurs à un plus 1 et de façon très très rare un plus 2, enfin plus ou moins, ou plus ou moins 2. Parce que j'aime pas m'embrouiller avec ce genre de détails. Par contre, j'ai tendance à en rajouter partout et à mettre plein de petites règles qui s'amoncellent, qui s'ajoutent, etc. et qui font au final un truc relativement, un assemblage relativement complexe de plein de choses simples, indépendamment, mais il y en a tellement que ça l'est plus, c'est plus simple que ça, quoi. C'est Et j'ai un tendance à peu faire des aussi, trucs vraiment ouais, beaucoup comme plus. les états dans Mouseguard aussi un peu. Par exemple, quand ta souris elle est fatiguée, t'as un malus sur telle chose, et puis en fait il y a 4-5 états avec des malus à des endroits différents, t'as une mécanique de base unique, et ça se complexifie, plus t'as d'états, plus c'est complexe, quoi. Bah, typiquement sur Mouseguard, tu as vraiment plein de mécaniques, quoi. T'as plein de règles qui gèrent des choses différentes, qui sont toutes sont simples, mais au final, ça fait beaucoup de choses à gérer, je trouve. Ouais, tout à fait. Bah, j'avoue que Mouseguard, le jeu est vraiment intéressant, mais c'est presque à la limite de ce que je suis capable d'absorber, moi, comme complexité. Ouais. Pour revenir sur l'idée du budget de complexité, je me demande si c'est pas une notion qui a beaucoup plus d'importance quand on est une équipe de développement, une grosse équipe de développement comme ils ont pour faire DD ou Numenera ou des choses comme ça, où il y a pas mal d'intervenants qui interviennent d'abord sur le jeu, puis des suppléments. Et à ce moment-là, il faut parler de la maîtrise et de la limitation de la complexité, de où on veut se trouver. Tandis que si on développe un jeu seul ou à deux ou trois, c'est une notion qui se règle de manière beaucoup plus organique. Je ne sais pas ce que vous en Ouais, mais pensez. après, même si t'es tout seul, t'es pas interdit d'avoir des playtesteurs, d'avoir des lecteurs. C'est quand même, enfin, même quand t'es tout seul, t'as une équipe qui te permet de pointer aussi là où c'est trop complexe, quoi. Non, Hein. non, ce que je veux dire, la notion de budget où il faut évaluer, il faut dire, ben, il faut pas faire plus complexe que ça et pas moins complexe que ça, où il faut mesurer l'apport de complexité d'une règle ou d'un supplément, je C'est du pense que ça a feeling, plus oui. de sens. Ça a plus de sens dans le cas de jeux où on va avoir 20, 30 suppléments, où on a des grosses équipes qui travaillent. C'est ça que je voulais dire. Possible, Non, oui. c'est très bon. Moi, je sais que je suis pas à l'aise du tout avec, et je préfère des choses comme l'élégance ou l'accessibilité. Enfin, ça me parle beaucoup plus, en fait. Mais enfin, j'ai pas assez d'expérience pour savoir, quoi. Juste pour conclure là-dessus, on avait aussi bah, un petit peu l'accessibilité. Allô? Oui, on sent qu'on a perdu Thomas. J'ai l'impression. Je crois, oui. Bah, il n'y a qu'une seule chose à faire, on peut enchaîner ou on peut attendre qu'il revienne. Bah, Alors, le apparemment, ça problème. continue à enregistrer dans tous les cas. Oui, ça continue. Je vais peut-être enchaîner sur ce que je voulais aborder, et comme ça Thomas peut reprendre après, qui étaient les jets Voilà. play facing. Donc, mettre un peu les mains dans le cambouis et parler d'un détail d'un système plutôt que de notions générales. Le jet player facing, c'est quand les seuls jets qui sont faits dans le jeu sont faits par les joueurs et pas par les meneurs. Donc, on parle bien de jeux avec une structure assez traditionnelle où il y a un meneur et où il y a des jets de dés. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça, c'est une simplicité. Le meneur ne doit plus perdre de temps à faire les GD, à les consulter. Avec un peu de pratique, si le jeu est bien fait, les joueurs lisent eux-mêmes les résultats. Ça a d'autres conséquences sur le design du jeu et l'expérience de jeu, qui sont, par exemple, ben, le meneur ne peut pas tricher sur ses GD. Dans certains jeux, on pousse la logique plus loin. Dans Apocalypseur, dans Influenza, il n'y a pas de caractéristiques pour les PNJ, pour les monstres, pour les obstacles. Il n'y a pas. C'est juste un jet du joueur tout seul. Donc là, le joueur perd sa capacité à influencer le jeu. Le meneur perd sa capacité à influencer le jeu, ce qui est bien pour certains jeux, moins bon pour d'autres. Donc c'est quelque chose qui a un prix et qui apporte quand même une certaine simplicité. Vous voyez, c'était très court comme présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Jérôme, Vivien? Ouais, moi c'était plus une des rares expériences que j'ai eues de ça, c'était sur Buffy, le jeu de rôle, Oui. où effectivement normalement alors il y a des caractéristiques pour les monstres, par contre c'est ils sont considérés comme des, on pourrait appeler ça des difficultés quoi, c'est des seuils à franchir par les joueurs. Et j'avoue que en général ce type de système en fait a tendance à quelque part j'ai l'impression de m'ennuyer en tant que MJ. Je me sens dépossédé parce que j'aime bien en fait finalement jeter des dés, avoir un peu de d'influence là-dessus. Et puis en plus il y a un petit côté un peu trop voilà mécanique en fait, ce qui s'applique sans doute pas par contre à Apocalypse World où de toute façon il n'y a pas une difficulté. Enfin si il y a une difficulté fixe, mais malgré tout voilà il y a quand même un jet de dés avec des possibilités etc. Buffy ça reste ça passe ou ça casse quoi. C'est un jeu traditionnel avec caract plus compétence plus un dé. C'est juste que dans les faits le MJ jette jamais les dés. Il faut que le MJ puisse s'occuper. Enfin, c'est-à-dire, ça libère du temps pour le MJ, c'est bien s'il peut s'en servir pour autre chose. Oui, c'est ça. Si c'est juste pour attendre que les joueurs fassent leur jet et leur dire, bon, bah, tu prends tant de points de dégâts. Alors après, peut-être que j'étais pas encore assis. J'ai évolué aussi dans ma pratique, donc peut-être qu'à l'époque, je me rendais pas compte de l'intérêt que ça pouvait avoir en termes de liberté de description, en tout cas de temps que ça libère, quoi, pour faire autre chose. Mais... Et alors, ça pose des questions de game design. À partir du moment où il n'y a jamais une opposition de dés entre un joueur et un meneur, que se passe-t-il quand deux joueurs s'opposent? Est-ce qu'on crée un jet en opposition juste pour ce cas-là spécifique? Donc ça, c'est un peu le cas d'Influenza, où on peut jouer sans opposition ou jouer un duel. Ou Apocalypse World, il n'y a pas d'opposition directe de personnage. On ne peut pas vraiment s'opposer... Il n'y a pas une histoire comme quoi on peut utiliser l'action gêner ou aider, c'est voilà, ça, exactement. C'est la solution qui est trouvée. Par exemple, si je t'attaque, tu peux pas faire un jet d'attaque en retour. Tu vas dire, ben, je gêne ton attaque. Et tu vas, si tu réussis ton jet, m'infliger un malus à mon attaque. Donc c'est une solution un peu détournée. Et de nouveau, le choix d'une solution qui simplifie, ou qui simplifie certaines choses, a des conséquences sur l'expérience de jeu. Alors sur Apocalypse World, ça a d'autres effets qui sont super importants. C'est que je sais pas, vous avez joué à Dogs in the Vineyard ou pas? Ouais. Non, beaucoup lu mais pas joué. D'accord. Sur Dogs, il y a pas mal d'accent qui est mis en fait sur la violence, sur le moment où tu notamment la notion d'escalade, le moment où tu t'arrêtes de discuter, tu sors les flammes. Bon, je caricature, hein, mais c'est bien. Et sur Apocalypse World, c'est quelque chose qui est pas dit dans le texte, mais c'est quelque chose qui ressort en fait du croisement des règles et du fait justement qu'il n'y ait pas de règles en opposition. C'est que dès qu'il y a une opposition entre personnages joueurs, qu'elle soit violente ou pas, qu'elle soit physique ou pas, il y a un rapport de domination. Ouais. Très clairement, on est dans un cas où le premier qui tire a raison. Pardon, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, impose sa volonté à l'autre, quoi, quelque part. Ouais, voilà, il y a forcément une violence dans le fait d'imposer sa volonté à l'autre. Oui, c'est asymétrique, en fait, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par asymétrique? Bah, c'est-à-dire que, contrairement à un jeu de rôle où, en gros, c'est un jeu en opposition, finalement, on a à peu près des bases égales, on a chacun notre chance de l'emporter. Là, c'est moi qui fais le jet de dés, donc quelque part, c'est moi qui prends l'ascendant avant même que le résultat des dés soit connu. Après, tu peux échouer quand même. Mais dans les faits, il y a quand même quelque part une espèce de prise de pouvoir, en fait. Alors ouais, en fait, tu as une prise de risque, on va dire. Et le truc, c'est que ça mène vachement... Enfin, moi, je trouve que c'est un côté vachement western, en fait. Dans le sens où tu vas... en gros, tu réussis ou tu réussis pas. Mais tu as intérêt à sacrément bien préparer ton coup. Parce qu'une fois que tu as sorti les armes... Alors les armes étant soit des armes physiques, si j'ose dire, dans la fiction, soit quelque chose de... soit encore une fois même un pouvoir de séduction, enfin peu importe. Une fois que tu l'as sorti, l'autre joueur va réagir. Je pense. Voilà, c'est une erreur. Je n'arrive même pas à voir... Ah, en direct, c'est ça, non? Ben voilà, donc je me relance dans le player facing pour faire le raccord. Donc là, on est sûr que ça enregistre. Oui, c'est live. Donc okay. On va y aller. Action. Donc le player facing, on met un peu les mains dans le cambouis du game design. On va dans quelque chose qui est un peu plus concret que des grandes intentions. Les jets player facing, c'est quand ce sont les joueurs uniquement qui font les jets de dés et pas le maître de jeu. Donc ça demande une configuration de jeu assez classique avec un meneur et des joueurs. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça simplifie le jeu, parce que ça met une partie du jeu dans les mains des joueurs, donc dans la répartition de la complexité dont Jérôme parlait tout à l'heure, on est en plein dedans, si c'est bien fait. Et ce que je voulais signaler, c'est que ce genre de décision de conception a un impact sur le jeu, qui va au-delà de simplement on simplifie, mais quand on simplifie, ça a des conséquences. Est-ce qu'elles vont dans le sens des intentions du jeu ou pas? Comme par exemple, une fois que les joueurs font des jeux player facing, ça veut dire que le maître de jeu ne peut plus cacher les résultats, il peut plus tricher là-dessus. Et si l'opposition joueur a des caractéristiques, il est obligé quasiment de révéler cette opposition, la valeur chiffrée de cette opposition pour que les joueurs puissent jeter les dés de manière correcte, ou en tout cas de donner des indices sur cette valeur. Et donc ça a des influences sur la manière dont le jeu est ressenti. Il y a des jeux comme Apocalypse World par exemple, où il n'y a pas de valeur chiffrée pour tout ce qui est opposition. Il n'y a que les personnages joueurs qui ont des chiffres. Tout le reste, c'est juste de l'histoire. Un PNJ n'a pas de force, n'a aucune caractéristique. Il peut avoir tout au plus des actions spéciales. À partir de ce moment-là, le maître de jeu ne peut plus influencer le sort du monde par ces biais-là, donc ça a quand même une grosse influence sur le jeu. Une autre conséquence possible, c'est quand on dit ce sont les joueurs uniquement qui font les jets, quand il y a une opposition entre quelque chose du monde et quelque chose et le personnage d'un joueur, c'est le joueur qui fait le jet tout seul. Il n'y a pas de jet en opposition à ce moment-là. Que se passe-t-il quand un personnage va s'opposer à un autre personnage? Apocalypse World a choisi une méthode un peu détournée. Il n'y a pas de jet en opposition au niveau des personnages, mais il y a un moyen de biaiser, c'est-à-dire que quand un personnage veut faire une action qu'on n'apprécie pas, on peut la gêner. Donc on peut faire un autre jet qui va donner un malus, mais il n'y a quand même pas de jet en opposition. Et le joueur qui va agir en premier va quand même avoir un avantage. Donc ça, c'est pour les jets player facing. Ouais, et donc pour reprendre, moi j'avais juste évoqué l'idée. Alors en fait, souvent c'est vrai quand on fait 2G en y réfléchissant, un pour les joueurs, un pour le MJ, ça fait une double ration d'aléatoire, on va dire par exemple, ce qui renforce le côté en fait qu'un échec est d'autant plus possible ou une réussite d'autant plus possible. Souvent quand on met une difficulté, par exemple dans le cas de Buffy RPG, si on la met très haute, par exemple, on va les dire, vous affrontez un monstre extrêmement puissant. Ça va tout de suite donner une impression d'insurmontable en fait aux joueurs, parce qu'il n'y aura jamais cette espèce de coup de malchance du MJ qui va faire un jet pourri ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça et le fait que le MJ des fois, et ben moi en tant que MJ, j'aime bien des fois jeter les dés et aussi viser le gros score si j'ai envie de m'amuser, ou au contraire viser le petit score si j'ai envie que les joueurs triomphent, mais sans tricher pour autant, quoi. Voilà. C'est clair que ça change fort l'ambiance du jeu. Dans Apocalypse World, la seule manière de mettre du gros en face aux joueurs, ben c'est de décrire quelque chose qui est gros Oui, ça et c'est de prévoir des effectivement actions Apocalypse spéciales. World introduit un autre problème, c'est que tous les monstres finalement ont la même capacité. Alors après, comment Ben, faire il y a des moyens, mais ce n'est pas les moyens traditionnels. Il faut En peut-être général, quand lire l'exemple du dragon à 16 points de vie de Dungeon World, ça illustre un peu le propos. Pour Apocalypse World, donc on a bossé avec le devis que la boîte à jeu sur un écran qui doit sortir à la fin de l'année, je crois. Je vais pas me tromper sur la date, donc je vais rester large. Dedans, on a mis pas mal d'exemples en fait, pour tous ces trucs-là, et notamment d'actions sur mesure. De dire, par exemple, un personnage qui est particulièrement impressionnant, comment est-ce qu'on va le gérer? Et essentiellement, on va faire ça, oui, par des actions sur mesure qui peuvent donner soit des capacités spéciales, défensives, offensives, peu importe, des espèces de scènes imbriquées. C'est un truc qui marche assez bien. Dans Dungeon World, c'est géré pas mal par des tags, par des mots-clés. L'exemple qui vient en tête, c'est le Messie, par exemple. Donc, Messie, je sais plus comment c'est traduit en français. Ah oui, d'accord, mais si, ouais, dégueulasse, enfin, pas dégueulasse dans le sens crade, mais crade dans le sens boucher ou un truc comme ça, quoi. Un truc bien. Le Le l'impact, en fait, c'est que la plupart des dégâts qu'ont faire les créatures en question sont des sales blessures, on va dire. Ouais. Oui, ça me rappelle le jeu vidéo Fallout où il y avait une espèce de stun qu'on pouvait prendre, où quand on tuait quelqu'un, c'était forcément un truc immonde qui explosait dans tous les sens et tout ça, quoi. Ben voilà, c'est l'idée, exactement. Exactement. Après, pour revenir sur le fait de jeter les dés ou pas, globalement, quand il y a une action qui est aléatoire, le fait de faire 2 GD, un de chaque côté, d'un point de vue purement mécanique et technique, ça sert absolument à rien. Jamais. Oui. Ça n'a d'impact qu'en termes de. Que dans 2 cas, si on peut faire des actions sur les dés, je pense par exemple à Blue Last Metal, où on peut mettre des dés de côté, acheter des succès, des choses comme ça. Donc là, en fait, c'est pas tellement l'aléatoire qui va être important que ce qu'on en fait. On peut comparer un peu ça au poker, où c'est pas tellement la donne qui va jouer que comment on la gère. Donc c'est le premier point. Et le second point, c'est les notions vraiment de ressenti pour les joueurs. Je crois que c'est Vivien, c'est toi qui parlais, hein, du plaisir que tu avais à jeter les dés, etc. Ouais. Tu as ce côté-là, tu as la notion de contrôle qui est super importante. Par exemple, il y a plein de. Il y a plein de. Enfin, de personnes qui écrivent sur le jeu vidéo, notamment le jeu vidéo d'horreur. Je crois qu'il s'appelle Bernard Perron, qui est au Québec, qui fait plein de trucs super intéressants sur Silent Hill, notamment. Et où il reprend des travaux, il explique qu'en fait la principale différence entre le cinéma d'horreur et les jeux vidéo d'horreur, c'est la notion de contrôle. Et dire qu'en alternant en fait les phases où on a du contrôle et les phases où on ne l'a plus, ça permet de créer une tension qui n'est pas possible par des médias non interactifs. On peut recréer ce genre de choses avec les dés, enfin avec ou sans dés d'ailleurs, selon comment on les applique. Enfin, c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes, hein, mais le fait de dire ok, je peux pas tricher, tous les dés sont du côté des joueurs, ça veut dire quelque part que on n'est jamais rassuré, quoi. C'est tout le temps pour de vrai. Et ça amène un ressenti qui est totalement différent que si c'est le MJ qui jette derrière l'écran. Ou en général, ça va toujours bien se passer. Ou à peu près bien se passer. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve énormément si vous, enfin, vous avez dû faire déjà l'expérience. Quand vous voulez donner une information à des joueurs pendant une partie, c'est vraiment du pur illusionnisme. Soit vous la donnez de façon directe, soit si vous voulez être sûr qu'ils la prennent pour argent comptant et qu'ils y accordent de l'importance, vous faites faire un jet de n'importe quoi, de perception, ce que vous voulez. Vous le faites faire à toute la table. Si vous avez une table de 5 joueurs et vous faites un jet de perception, normalement il y a au moins des joueurs qui va réussir. Vous êtes sûr de filer l'info. Par contre, dans la tête des joueurs, cette info, ils l'ont gagnée. Et ils l'ont gagnée en réussissant quelque chose. C'est une récompense. Ouais. Donc cette info ne peut pas être fausse. Et elle a automatiquement de la valeur puisque vous l'avez donnée comme ça. Et on va vraiment être sur des notions de game feel. Alors désolé pour l'anglicisme, mais de ressenti, quoi, vraiment. Ouais. Enfin, moi je pense que c'est vraiment le point où on a intérêt à creuser en termes de game design, en fait. C'est là où ça va faire toute la différence. Je soutiens tout à fait. Je pense pas qu'on puisse concevoir de bons jeux avec une approche purement rationaliste. Il faut voir avant tout le ressenti des joueurs. C'est ça qui va faire le bon jeu ou le mauvais jeu. Là où on le voit très bien, c'est surtout ce qui est la gestion de ressources, de jetons, de choses comme ça, qui change énormément la façon dont les mêmes éléments mécaniques sont ressentis, en fait. Ouais. Je propose, il est déjà tard, on a Oui. toujours perdu Thomas qui a des problèmes de micro, donc il nous en informe via le chat. Je propose qu'on clôture le podcast en suivant le plan qui était prévu. Ça me paraît bien, hein, Donc je crois que ce qui restait à aborder, c'était la liste au Père Noël. Rapidement, ce qu'on aurait aimé voir dans les jeux de rôle apparaître, à créer, ce qu'on aurait aimé voir, mais selon l'angle de la simplicité. ce qu'on est, ouais. Vas-y, Philippe. Ah ben, moi je pense qu'il y a une chose dont on a déjà pas mal parlé, c'est comment arriver à un jeu de rôle riche et avec quand même un petit plaisir de complexité, donc trouver un équilibre entre simplicité et complexité, mais comment y arriver progressivement? Comment avoir un jeu où on peut tout de suite jouer en ayant du plaisir, et un jeu qui se transforme au fur et à mesure en s'enrichissant. Moi, c'est un peu ce qui me botterait pour le moment, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir il y a beaucoup de temps avec des jeux très complexes, où j'avais plaisir à manipuler le système complexe ou un univers complexe. Un jeu comme Nephilim, le système basique, il n'est pas très compliqué. Je parle de la deuxième édition. Le monde, il est à se taper la tête au mur. Mais quel plaisir de penser à ce monde, de faire des déductions. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne peux plus faire, parce que j'ai plus les temps, j'ai plus les ressources pour m'investir autant là-dedans. Et j'aimerais avoir un jeu qui me prenne par la main et qui m'emmène vers ces sommets de complexité, mais où le jeu est déjà amusant tout de suite. Si vous pouvez me D'accord. dire tel jeu fait déjà ça, dites-le moi. Alors ça existe peut-être, hein, bah moi de mon côté, je suis assez content du mouvement type Apocalypse World, tout ça qui consiste à utiliser davantage la feuille de personnage pour que les joueurs aient vraiment les règles sous les yeux et arrêter cette position en fait. Moi, ça, j'avoue que j'en ai un peu marre de la position du MJ qui doit toutes les 2 minutes rappeler pour un tel GD qu'il faut faire ça. Enfin, voilà, je connais peu de joueurs qui sont prêts à s'investir réellement dans leur jeu. Après, quand ils sont MJ, ils s'investissent en tant que MJ, mais dès qu'on est joueur, on a tendance un petit peu à laisser l'autre se débrouiller avec les règles. Et j'espère aussi que de plus en plus de jeux vont vraiment tirer profit de toutes les possibilités de game design qu'on peut trouver dans les jeux de plateau, etc., pour vraiment soutenir en fait la narration. J'ai pas parlé de jeux comme Zombie Cinema par exemple qui utilisent une espèce de plateau type jeu de loi pour soutenir ses règles. Et je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités là-dessus quoi, que ce soit par des cartes à jouer ou des plateaux ou des machins, du moment que ça envahit pas trop. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à creuser là-dessus, y compris au niveau de l'explication du background. Voilà. Jérôme? Ouais, je réfléchis un peu parce que comme je suis arrivé sur la fin, Oui, en cours de j'ai route. pas vraiment parlé mon coup. Je vais revenir en fait sur l'histoire d'élégance dont on parlait tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on arrête de me vendre des jeux simples en fait. J'en ai rien à foutre qu'un jeu soit simple. Ça va m'intéresser sur certains types de parties très particulières où il n'y a pas beaucoup de temps ou des choses comme ça. Mais j'ai vraiment aucun problème à ce qu'on me dise ce jeu est compliqué mais mérite l'investissement. J'ai aucun très souvent je trouve que sur pas mal de jeux et notamment des jeux disons alternatifs, orgiens, indés, on appelle ça comme on veut et y compris sur certains jeux mainstream. On confond un peu en fait faire un jeu qui soutienne une façon de jouer et faire un jeu qui ne soutienne qu'une seule façon de jouer en fait, ou qui n'en permette qu'une seule. Et du coup, on a des jeux simples, mais pas forcément des jeux riches sur lesquels on a envie de revenir. Et je pense que c'est très marqué par exemple sur certains storyliens où on se retrouve avec les gens. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'on discute les gens qui font le plus la promotion des story games, en fait, de certains story games, ben quand tu discutes avec eux, ils ont pas trop envie d'y rejouer, en fait, ou une fois, ou des choses comme ça. Et pour moi, le contre-exemple parfait, c'est Fiasco, en fait, où on a beau enchaîner les parties, et ça se passe bien. Et du coup, j'ai un peu envie qu'on arrête de me proposer des jeux simples. J'ai envie qu'on me propose des jeux élégants, quoi, des jeux. Des jeux riches. Voilà, dans la richesse correspond à la complexité et inversement, quoi. Oui, je te rejoins à 100% dans cette frustration-là. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui la ressent et que malheureusement c'est un peu difficile à formuler parce que ça donne l'impression qu'on dénigre des jeux qui sont aussi superbement intéressants. Et en fait, je pense que c'est juste une question de maturation. Qu'il y a des nouvelles formes de jeu, Vivien, tu avais pu essayer The Climb, je crois. Oui, tout à fait. Ce type de jeu, donc des jeux que maintenant on appelle American Freeform et qui ont eu de noms par le passé, des jeux, un jeu comme Parcel Game, par exemple, qui est aussi une autre forme, qui a complètement rien à voir, des jeux à checkpoint. Il y a plein de. Aujourd'hui, on parle de jeux de rôle et ou de story, en les opposant ou pas, enfin, chacun son opinion là-dessus. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait. Pour moi, le story game, c'est un type de. En fait, un type de roleplay possible. Mais il y en a plein d'autres. Que sont ces jeux à checkpoint, ces jeux freeform, etc. Et c'est vraiment intéressant si on peut voir ces autres formes-là et si on peut les voir de façon à ce qu'elles restent riches. Parce que les jeux soient pas intéressants, parce qu'ils soient bizarres, mais que ce soit des jeux bizarres qui restent intéressants sur la longueur, quoi. Cela dit, tu me parles de The Climb, mais The Climb, il est justement conçu pour pas être joué. Ouais, alors, ouais, c'était un exemple pour prendre la forme des jeux freeform. Effectivement, il n'est pas Oui. fait pour être joué du tout. Comme la plupart des jeux freeform, en fait, finalement, je me vois rejouer, enfin, j'en ai lu quelques-uns, je me vois jouer à beaucoup d'entre eux, mais rejouer à aucun d'entre eux, a priori, quoi. Alors, ça. Un peu comme une soirée enquête, finalement. Ouais, alors, disons que c'est pareil, ça dépend un peu de ce que tu mets dans freeform. Bah, ceux qui se revendiquent, tu vois, du style The Climb, The Curse, je sais pas ce qu'il y a d'autre. In the time of Said, on est vraiment Ouais. pas très loin du. Alors, c'est un peu différent, c'est un peu à cheval. On est vraiment pas très loin et je pense qu'on peut le rejouer. Alors, je vais prendre un exemple régional, hein, désolé. Euh, Vas-y. sur, euh, sur la convention qui s'appelle Super Héros à Toulouse, hein, qui est une convention qui fait. Alors, ils appellent ça du sans-rail. Depuis, je sais pas, 20 ans, je pense. Ouais, depuis le début des années 90. Il y a certains scénarios dedans qui sont des scénarios très bizarres, mais qui peuvent être joués, en fait, selon les persos qu'on a. Et qui sont très proches du freeform. Il y a une espèce de docteur Folamour, je crois que ça s'appelle Le vol du cerveau, scénario. Alors, je l'ai jamais joué, mais j'ai rencontré je sais pas combien de personnes qui m'en ont parlé. Et c'est un jeu où on joue l'équipage d'un bombardier qui va, je crois, au-dessus de Moscou et qui peut avoir ou qui peut ne pas avoir une bombe atomique à bord. Et donc la situation a l'air super réduite, mais a priori j'ai pas mal de joueurs qui m'ont parlé de ce scénario-là en l'ayant rejoué en fait, avec des rôles différents. Je Ok. pense que c'est. Oui, Enfin, c'est pas une fatalité quoi, du freeform de voilà. devoir être non rejouable. Je pense que tout reste à faire, en fait. Il faut pas qu'on se limite à ce genre de truc. Ouais. Ok. Ok. Bon, ben, il nous reste plus qu'à conclure alors. Voilà, exactement. Sans Thomas, encore une fois, qu'on salue, hein, au passage, le pauvre. Et ben, bon, ben, moi je dis merci à tous, et puis j'espère à une prochaine fois, à d'autres podcasts. Ça m'a bien fait plaisir d'en parler. J'espère qu'on n'a pas été trop long. C'est un grand plaisir et un honneur de pouvoir parler de ça avec vous. Thomas, j'espère, si tu veux, que tu rajoutes un petit mot pour conclure à C'est ta ça. façon. Sinon, merci d'avoir écouté ce podcast Outsider Game Design. C'était bien agréable, ouais. Moi, il me tarde d'écouter le début du podcast, du coup. Ouais, ça marche. Bon, bah, à très bientôt alors. Allez, alors, allez. Salut. Salut. Au revoir, jouez bien. Revoir. Alors, c'est moi Thomas, je reviens là pour vous offrir un petit bonus, hein. C'est vrai qu'en raison de problèmes techniques, j'avais pas pu intervenir sur la fin du podcast. Mais comme j'avais quand même des choses à dire, j'ai choisi d'enregistrer donc ce petit supplément hein, pour vous expliquer ce que j'avais à dire dans la partie 2 et 3 concernant la simplicité en game design. Donc ma partie 2, je voulais parler des nanogames. Alors, qu'est-ce que sont les nanogames? Ce sont des jeux de rôle qui sont censés être entiers, se suffire à eux-mêmes, et qui sont souvent rédigés en une page à quatre, ou éventuellement deux ou trois pages à quatre, quoi. Alors, l'intérêt de ces jeux, déjà, c'est de montrer que ça peut suffire, quoi. La première question que posent les nanogames, c'est pourquoi en écrire plus? Je vais prendre par exemple comme exemple, il y a Over Skylines de Shea Davidson. Donc c'est un jeu en une page qui donne un système de résolution très simple, hein. En fait, sur la feuille de personnage, on écrit quelques traits. Et ensuite, le système de résolution, il n'y a pas de notion de difficulté ou d'opposition. On jette juste. Comment? On jette juste 2 dés pour savoir si on réussit l'action, et aussi qui décrit le résultat de l'action, si c'est le joueur ou le MJ. Après, bon, si on a plus ou moins de traits impliqués, on peut twister un petit peu. Mais bon, voilà, grosso modo, c'est ça le système, quoi. Et puis au niveau de l'univers, là encore, c'est très très simple, hein, c'est résumé en quelques lignes. Il s'agit en fait d'un univers médiéval fantastique qui connaît des révolutions technologiques importantes, en fait qui passe d'un niveau de technologie médiévale à la révolution industrielle en 30 ans, quoi. Et donc avec notamment des machines volantes fantastiques, du steampunk et encore toujours de la magie. Et en fait, on se rend compte que voilà, ces deux choses-là suffisent, un petit univers de poche et un petit système, ben, suffisent pour jouer, hein, nettement. Hein. Après, on a Astro Breaker, enfin, le vrai nom de ce jeu, c'est Qu'est-ce que le jeu de rôle? C'est un jeu de rôle en une page d'Epidia Ravachol, qui nous propose de jouer des astronautes qui, avant de partir en mission dans l'espace, réalisent un braquage. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire le braquage et ensuite de se barrer dans la fusée. Voilà, c'est encore la meilleure façon d'échapper aux forces de l'ordre. Et le système du jeu, en fait, c'est uniquement de la conversation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de chiffres. En fait, pour faire simple, s'il y en a un qui veut faire une action qui pourrait faire du mal à un autre personnage ou à un PNJ, n'importe quel autre joueur peut le signaler, en fait. Entre guillemets, il va mettre son veto et il va désigner un troisième joueur qui raconte en fait comment l'action se déroule. Voilà, c'est tout. Je crois que là, j'ai quasiment dit tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu, hein. Donc, ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil à. Donc, le jeu s'appelle Qu'est-ce que le jeu de rôle? D'Epidia Ravachol. Donc, on vous mettra un lien dans le podcast. Voilà, sinon, on a aussi pas mal de tous les jeux de John Harper. Hein. John Harper, c'est celui qui a fait Lady Blackbird. Il a aussi fait d'autres nanogames. Tels que Ghost Echo ou Ghost Line, bon, je pense qu'il en fait pas mal, hein. C'est toujours des jeux pareil, qui tiennent en 2-3 pages, qui sont très simples, hein, qui vont vraiment à l'essentiel, quoi. Ce qui est intéressant avec le nanogame, c'est qu'en fait, il réinvente complètement le format du JDR. C'est-à-dire qu'on sort de l'idée d'avoir un livre de base de 300 pages, plus éventuellement toute une gamme de suppléments, puisqu'on nous amène un jeu entier qui tient dans un PDF de 3 pages, quoi. Après, la question intéressante aussi que ça pose, c'est comment on fait pour commercialiser de tels JDR, quoi. Puisqu'en effet, voilà, bon, c'est est-ce qu'éventuellement un auteur de jeu de rôle peut gagner sa croûte avec des nanogames? Bon, je pense que c'est possible, hein. Bah, John Harper et puis aussi Ben Neyman le prouvent, puisqu'en fait sur le site internet Patreon, on voit qu'ils arrivent tout à fait à dégager un revenu, hein, de leur mini-jeu. Alors sinon, l'intérêt d'un nanogames, en fait, c'est que ça isole les briques essentielles du jeu de rôle, quoi. Si je prends par exemple Risus, ou Rises, hein, je sais pas trop comment on prononce. C'est un jeu de rôle universel humoristique, voilà, qui tient en 3-4 pages. Et en fait, qui se résume à... on a une liste de compétences freeform, c'est-à-dire que les joueurs inventent l'intitulé de leurs compétences. Ça peut aller de champion de basketball à roi de la drague. Et puis, je crois qu'on définit un seuil de réussite qu'il faut battre en fait en jetant autant de dés que le score de sa compétence. Et il y a moyen de twister le truc, c'est-à-dire que quand, comme c'est un jeu humoristique, si on utilise une compétence qui paraît inappropriée, par exemple cuisine, si on utilise la compétence cuisinier pour se battre, eh bien en fait, si on le justifie bien auprès du MJ, on a plus de chances de réussir avec cette compétence inappropriée qu'avec une compétence appropriée. On a aussi, alors c'est pas tout à fait un nanogame, mais ça s'en rapproche. On a aussi le donjon en 5 pièces. Donjon en 5 pièces, c'est un mécanisme que vous allez retrouver traduit dans le blog du MJ. Et en fait, qui explique que pour réaliser un donjon, eh ben déjà, on n'est pas obligé de faire un donjon avec 10 000 pièces. 5 pièces suffisent, du moment que chaque pièce représente un défi de jeu de rôle différent. C'est-à-dire qu'il y a une pièce où il y aura un défi de roleplay, il y aura une pièce où il y aura un obstacle à franchir, il y aura une pièce où il y aura un adversaire à vaincre, et ainsi de suite, hein. Donc il y a cinq exemples. Donc là, c'est vraiment très intéressant, parce qu'à partir de ce procédé du donjon à 5 pièces, eh ben, on peut... ça amène des scénarios à la fois très simples, limpides, hein, vraiment. Ça fait des super donjons, très très abstraits, très intéressants, et ça peut être facilement extrapolé à tout type de scénario en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait limiter un scénario à 5 épreuves différentes, quoi. Bon voilà, souvent aussi les nanogames, quand je dis qu'ils permettent d'isoler les briques essentielles, par exemple on voit Astro Breaker de Epidia Ravachol, en fait il permet d'isoler c'est quoi le système zéro. C'est vraiment, quelque part, c'est un jeu qui serait limité à un système zéro, quoi. Alors par contre, la principale qualité, le principal avantage des nanogames, je dirais que ce sont des jeux qui sont dédiés aux MJ expérimentés. Par exemple, si on prend les 50, le Philippe Trummer, il a fait un défi, c'est-à-dire qu'en une année, il avait écrit 52 jeux de rôle en une page. On voit bien que ces jeux de rôle en une page de Philippe, pour intéressant qu'ils soient, par exemple, je me rappelle d'un jeu où on joue différents candidats à la mairie de Neuilly qui s'affrontent dans une ville de Neuilly devenue complètement post-apocalyptique. Bah, le jeu est super intéressant, mais... c'est clair que si on n'a pas une bonne expérience, mais grosso modo, il se limite à dire bon voilà quelles sont les compétences qu'on peut avoir, un personnage il a tant de points de vie. Et après, si on n'a pas les scénarios sont résumés à 2-3 lignes, si en tant que MJ on n'a pas un peu de bouteille, on peut rien en faire de ces jeux, quoi. Mais par contre, quand on est un MJ qui a de la bouteille, c'est juste super intéressant d'avoir en une page, eh ben, de quoi occuper une soirée, voire même des fois plusieurs soirées entières, quoi. C'est le cas aussi des jeux de John Harper, quoi. Un jeu comme Ghost Echo, c'est vraiment extraordinaire. Le background de Ghost Echo, l'univers, c'est juste des mots-clés, quoi. Grosso modo, il arrive à définir un univers entier avec une quinzaine de mots, quoi. Par contre, Ghost Echo, c'est un hack de Apocalypse World, et clairement, John Harper se fait l'économie de réexpliquer les fondamentaux d'Apocalypse World, hein. Il s'adresse aux MJ qui connaissent déjà comment ça fonctionne. Et clairement, celui qui n'a pas un petit peu lu Apocalypse World, il comprend rien à hein, Ghost Echo, quoi. Par contre, une fois qu'il l'a lu, le jeu devient vraiment limpide. Et effectivement, une page suffise, je pense, à jouer une campagne entière, quoi. Dans la même veine aussi, je voudrais citer un jeu français, c'est Petit Monde Merveilleux. Vraiment très sympa, c'est vraiment dans l'esprit des jeux de John Harper, hein. On voit bien qu'il s'en est inspiré. C'est dans un univers un peu japonisant, très mignon, avec des chats géants, avec des gobelins, des aventures toutes mignonnes. Mais là, c'est pareil. Je pense que là, si on n'a pas lu les jeux de John Harper, je suis pas certain qu'on puisse comprendre Petit Monde Merveilleux. Donc ça, c'était pour tout ça, c'était pour les nanogames. Sinon, donc, je tenais aussi à faire ma lettre au Père Noël, hein, concernant la simplicité en game design. Donc j'avais trois points à donner, hein, c'était l'argile et le marbre, se passer du livre et repérer les briques essentielles. Alors l'argile et le marbre, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on écrit un jeu, bah, tout comme quand on écrit un roman ou toute autre activité créatrice, il y a deux façons de procéder. Soit on est comme quelqu'un qui va modeler l'argile, c'est-à-dire qu'il va partir. Il va partir d'un matériau qui va modeler, mais il va jamais en rajouter quoi, ou en tout cas il va jamais supprimer plutôt, c'est plutôt ça quoi. Il se contente de modeler, éventuellement il va rajouter de l'argile, mais quand il a fini, il n'enlève plus rien. Et on a le créateur qui part à partir du marbre, c'est-à-dire qu'il a un énorme bloc de marbre. Il a énormément de matériaux et en fait il va tailler, tailler jusqu'à ce qu'il estime qu'il n'y ait plus rien à retirer, quoi. Alors, comment ça se traduit en termes de game design de jeu de rôle? Bah, celui qui travaille dans le marbre, il va écrire tout un tas de mécaniques, tout un tas d'univers, enfin il va écrire des pages et des pages de mécaniques, d'univers, de conseils, et puis finalement il va retirer au fur et à mesure plein de mécaniques, plein de conseils, plein de morceaux d'univers, jusqu'à qu'il ait l'impression qu'il n'y a plus rien à retirer, quoi. Tandis que le game designer qui va bosser à partir de l'argile, eh ben, il va empiler les mécaniques, les conseils, l'univers, jusqu'à ce qu'il estime qu'il n'y ait plus rien à rajouter. Et il s'arrête là. Alors, l'avantage de l'approche du marbre, c'est que je pense que ça permet de produire des jeux vraiment très épurés. Mais par contre, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de playtests, et puis aussi, bah, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu triste et désarmant de devoir jeter autant de matériel à la poubelle. L'approche de l'argile, elle nécessite plus d'expérience, hein. Je pense qu'il faut déjà avoir écrit quelques jeux, il faut bien connaître aussi, entre guillemets, ces jeux fétiches, bien connaître les mécaniques génériques en jeu de rôle. Et là, en fait, on va pouvoir assez rapidement empiler des mécaniques, et on va savoir s'arrêter avant que ça devienne une usine à gaz. Voilà, donc c'est à ça vous de voir si vous êtes plutôt argile ou plutôt marbre. Donc sinon. Il y a aussi se passer du livre. En fait, je pense que la simplicité idéale, en ce qui me concerne, pour un jeu de rôle, c'est quand on peut écrire un livre de 300 pages, c'est pas le problème. Mais je pense que un jeu de rôle simple, une fois qu'on a joué quelques parties, on doit être capable de pouvoir jouer en se passant du livre. Ou éventuellement pouvoir jouer en se passant du matériel, quoi. Un jeu comme Influenza, bon, moi je sais qu'une fois que j'ai fait quelques playtests, j'avais plus besoin de mes notes pour pouvoir y jouer, quoi. Je peux y jouer au débotté avec des amis, j'ai pas besoin du livre. Le livre apporte un plus parce que par exemple dans le livre il y a quand même plein de conseils, il y a aussi des listes qui peuvent être intéressantes, mais honnêtement, on a 80% de l'intérêt du jeu peut être trouvé sans avoir le livre. Marin de Bretagne aussi a été conçu dans cette idée-là, c'est-à-dire que bon, déjà le jeu de base est très simple, mais en plus le matériel c'est juste 6 cartes. 6 cartes à jouer, bon certes il y aura des illustrations, elles seront jolies, mais je pense qu'avec avec un tout petit peu d'expérience du jeu, on peut reconstituer le jeu avec des bouts de papier très très rapidement. Alors commercialement, je ne sais pas si c'est la meilleure approche, mais je pense qu'en tant que joueur, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Les jeux auxquels je reviens tout le temps, ce sont des jeux qui justement peuvent être joués sans avoir le livre. Avec juste un petit peu d'expérience, sans avoir même à récupérer une feuille de personnage sur Internet, parce que la feuille de personnage est suffisamment simple pour qu'on puisse la reconstituer de tête. Et le dernier point en fait sur la simplicité, c'est que pour aboutir à la simplicité, il faut bien repérer les briques essentielles de son jeu, et je dirais il faut repérer les briques essentielles des jeux en général. Je pense que quelqu'un qui est capable de faire simple, c'est quelqu'un qui a une bonne vision des mécaniques qu'on peut rencontrer en jeu de rôle en général, quoi. Il sait très bien c'est quoi un conflit, il sait très bien à quoi sert comment. à quoi sert une compétence. Il a vraiment une vision assez abstraite du jeu de rôle, assez synthétique, et il s'en sert pour faire des jeux de rôle qui vont juste utiliser les briques essentielles qu'il veut, quoi. C'est aussi limiter un jeu à ses briques essentielles, à ses mécaniques essentielles, et en fait c'est aussi résister à l'envie de tout techniquer ou de tout randomiser par les règles. Par exemple, si on joue un dilemme moral, ça peut être plus intéressant à jouer si on donne les conséquences à l'avance et qu'il n'y a pas de technique en disant bah si tu fais ça, il va se passer ça, si tu le fais pas, et voilà ce qui va se passer. Alors vas-y, en sachant les conséquences, qu'est-ce que tu décides de faire? Quelque part, des fois, toujours vouloir tout techniquer, par exemple vouloir techniquer un dilemme moral par une mécanique de conflit, ça fait que ça affadit un peu les conséquences, ou du moins ça les confine à la mécanique, quoi. Par exemple, dans Mouse Guard, quelque part, les conséquences des conflits, on a l'impression que c'est juste des états, je suis fatigué, je suis en colère, ou c'est juste des traits qui sont contraints ou pas, quoi. Parfois, il faut garder à l'esprit que un des intérêts du jeu de rôle, quoi, peut-être même l'intérêt principal, c'est d'avoir de la fiction, c'est d'avoir de l'émotion, quoi. Si on limite tout à des mécaniques, eh bien finalement on fait je dis pas qu'on fait un jeu de plateau, mais on fait un jeu sans feeling, quoi, sans émotion. Donc quelque part, il y a plusieurs raisons pour ne pas rajouter des mécaniques. Déjà, c'est quand ça tue la fluidité du jeu, quand finalement ça contrecarre les intentions du jeu. Mais je pense aussi c'est quand ça contrecarre le feeling, quoi. Quand si la mécanique est trop intrusive, ben il y a plus de feeling, il y a plus d'émotion, quoi. Voilà, donc je tenais à remercier hein, les participants, Philippe, Vivien, Jérôme. Hein. C'était comme d'habitude très intéressant. Je regrette de ne pas avoir pu participer au débat à la fin. Encore une fois, c'était des problèmes techniques. Je remercie les auditeurs pour leur patience. Hein. Ça se trouve, vous avez peut-être déjà skippé. C'est des problèmes techniques qui se renouveleront pas. On va dire que je progresse en expérience au fur et à mesure. Et donc voilà, on est là pour s'améliorer. J'étais très content de faire ce podcast Simplicité qui était vraiment important pour moi. Je vous promets aussi que les prochains podcasts au niveau de la technique seront plus irréprochables. Voilà, merci beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura donné des envies d'appliquer des principes de simplicité dans l'écriture de vos jeux. Vous pouvez aussi nous dire si éventuellement pour vous la simplicité c'est peut-être autre chose que ce qu'on a dit. Si vous voyez les choses différemment, bah, n'hésitez pas à réagir. Encore merci à tous, jouez bien.